D'otage samedi à Paris, une façon apparemment de faire du buzz. Le jeune lycéen a été arrêté dans son établissement à Vitry-le-François dans la Marne. Il est en garde à vue à Paris ce matin. Son complice est toujours recherché. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve annonce que l'État se portera partie civile. Manuel Valls demande de lourdes sanctions. Les deux auteurs risquent jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Un homme interpellé aux États-Unis après les attaques à la bombe de New York et dans le New Jersey. Ahmad Khan Rahami était recherché depuis ce week-end. L'arrestation a été musclée puisque les forces de l'ordre ont dû faire usage de leurs armes. Le terroriste présumé a d'ailleurs été blessé. Des explosifs ont été retrouvés chez lui. L'individu âgé de 28 ans et d'origine afghane avait été naturalisé américain il y a plusieurs années. Un homme de 35 ans grièvement blessé hier à Marseille. L'individu a été visé par des tirs mais son pronostic vital n'est pas engagé. Il était récemment sorti de prison et portait un bracelet électronique. Un choix qui fait parler, qui est loin de faire l'unanimité. La chaîne W9 a décidé de censurer le clip de Je suis moi, chanté, vous le savez, par Black M. Le rappeur parisien porte un t-shirt en soutien à Adama Traoré. La chaîne a estimé que l'affaire était sensible et en pleine procédure. Elle a donc préféré rester neutre et flouter le t-shirt de l'artiste. Adama Traoré est mort en juillet dernier alors qu'il venait d'être interpellé dans le Val d'Oise. Du foot en pleine semaine avec le début ce soir de la 6e journée de Ligue 1. 2 matchs à l'affiche. Lille-Toulouse à 19h avant que Paris n'accueille Dijon à 21h. On suivra bien sûr tout ça dans la radio libre. Ce sera pour la 3e fois sans Hatem Ben Arfa. La crise semble vraiment d'actualité entre la recrue phare du Mercato et Unai Emery, le coach qui affirme qu'il n'y a aucun bras de fer mais qu'il ne prend tout simplement que les meilleurs. L'ouverture hier de la 8e journée de Ligue 2, Strasbourg et le Red Star ne sont pas parvenus à se départager. Score nul et vierge 0-0, 9 matchs au programme ce soir dès 21h. Le Havre-Brest, Nîmes 3, Ajaccio-Auxerre, Lens-Orléans, Tourbourg-en-Bresse, Niort-Gazélec, Amiens-Valenciennes, Reims-Clermont-Foot et Laval-Sochaux. Voilà, je suis vrai avec toi, Reims-Clermont-Foot, match qui aura lieu ce soir. Allez, on en reparlera ce soir en plus dans la radio libre, à pas louper. Merci Rémi, yep. À tout à l'heure. Il est pile 6h du matin sur Sky. Feuille de match du morning de Difool. Entraîneur, Difool. Même Zizou lui demande des conseils. Salut, c'est Zizou sur Skyrock. Attaquant, Romano. Plus fort que Messi. Oh, pardon, non. Plus petit que Messi. Gardien, Cédric. Il avale tous les ballons. Pom-pom girl au sein nu, Carriole. Salut. Coup d'envoi du morning de Difool. The morning show. 6h-9h sur Skyrock. Et c'est parti pour ce grand match qui va durer 3 heures sur Skyrock. Bienvenue à vous tous et à vous toutes, bon réveil. Bonjour. 6h du matin, bonjour Romano, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Bon mardi, ça fait pas chaud hein, ce matin. Merci pour les températures que vous nous envoyez tous les matins. Eh bien attends, on se plaint à Marseille parce qu'il fait 15 degrés du côté de Sarah. Bah écoute, ça va parce que moi j'ai des températures pas mal. Par exemple à Mende, il fait 7 degrés ce matin. Ouais, c'est plus froid là. À Gap dans les Hautes-Alpes, il fait 8 degrés ce matin. À Manosque, tiens, pas très loin, il fait 9 degrés, tu vois, il fait pas chaud. Pareil à Nancy, à Metz. Bon, ça caille un peu, il fait pas super beau, mais on est content de vous retrouver, content de retrouver le sourire ensoleillé de Carriole. Bonjour. Tiens, bonjour Carriole, je te rends tes cheveux, tu fais comme Romano, tu vas être à la mode chauve, regarde. Mais il est blond celui-là. Ben oui, mais là, toi Carriole, tu es un peu blonde aujourd'hui. Bonjour Karim, bonjour. Salut, Sam. Salut. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Et puis bienvenue pour cette nouvelle matinée avec, dans le morning, ce matin. Vos PS4 Slim à gagner, on jouera à 6h20 tout à l'heure. Avec dans le morning aussi vos iPhone 7 à choper et évidemment vos 1500 euros. 1500 euros qui sont tombés deux fois hier. Fabrice, alors lui il a gagné à Villeparisis dans 77. Et on est allé faire, tiens, parler de Marseille, un petit tour à Marseille aussi, où Loïc a gagné 1500 euros. Il était à l'écoute de Sky hier matin, on lui a passé un petit coup de fil, on lui a demandé quelle est sa radio préférée. Écoutez ce qui s'est passé. Oui, je vous entends, je suis dans le bus, je vous entends là. Ah, tu écoutes la radio dans le bus, c'est bien, dis donc. Ah. Alors, on va poser la question bien fort, attention. Officiel, hein. Quelle est ta radio préférée, Loïc? Skyrock. Bien, ouais, ouais. Tu viens de gagner 1500 euros, Loïc. Ah, tu es magnifique, vous êtes magnifique. Ah, ça c'est vrai, hein. On est magnifique, je vais te le dire, Romano, aujourd'hui tu es magnifique. Il a du goût, merci. Et oui, il est super ce Loïc. Bon, il nous écoute dans son bus, il crie Skyrock bien fort. Et les gens regardent bizarre, mais il a gagné, c'est le plus important, c'est 1500 euros. Bravo à Loïc. Loïc, il va être papa bientôt, ça va l'aider les 1500 euros. Bah, c'est aujourd'hui. Ah bah oui, c'est aujourd'hui, c'est vrai, il nous a dit qu'elle... Ouais. Hop là, on déclenchait le bébé aujourd'hui. Il déclenche l'accouchement, ouais. Bah, bon bébé, Loïc, bon chèque de 1500 euros, puis une bise à Fabrice aussi. Fabrice représente le Zahir, il nous a dit, à Villeparisis, et il a gagné. Bon, qu'est-ce qu'on a prévu pour vous ce matin? Alors, les conseils pas chers, tout à l'heure à 6h40, tous les matins, deux bonnes idées pour faire des économies. Et on va commencer avec du piratage. Pour gagner de l'argent, piratage informatique, piratage téléphonique. Piratage des télés. Piratage des télés? Ouais.

Alonso sur Skyrock, Alonso pour se réveiller, c'était Binta Binta, il est 6h08. Et écoutez bien cette petite musique, ça va vous rappeler quelque chose. Demain t'es pas une résolution pour le nouveau millénaire. Mille millénaire. Demain pas une bonne raison de fêter ce nouveau millénaire. Mille millénaire. C'est la musique de taxi, ça. Rappelle des souvenirs. Hier à la télé, sur TMC, il y a eu Taxi 2 et ça nous a donné une petite idée. Waouh, une nouveauté. Nouveauté, film tout neuf. Ah ouais, bah attends. Il y en a eu combien les taxis? 4 4, ouais, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. 1, 2, 3, 4 et 4 taxis. Bon, vous avez aimé les taxis, ça vous a plu? Moi, je crois que j'en ai vu un ou deux. Bon, moi, j'ai vu le 1, le 2. Aussi. Le 1, en plus, ça a dû sacrément vieillir parce que. Bah, les taxis sont plus les mêmes. Ouais. Et ils ont même pas de Uber dans Taxi 2. Non, mais puis les bagnoles et tout, ça doit être à l'ancienne. Parce que c'est à combien de temps ça? Au moins 20 ans. Millénaire, ça doit avoir 15 ans. 15-16 ans. Le nouveau millénaire a été ouvert par Taxi. La série des taxis. Oh, des films marrants. Hein. Je sais pas si vous avez aimé, vous, les taxis. Hein. Ouais, ça va. Oui. Voilà, il y a. Bon, il était temps qu'il s'arrête, je crois, mais. Après le 4, oui. Bah, maintenant, faut faire Uber 1. Uber 2, ouais, ouais. Uber 3 et puis bah allez un petit Uber 4 là. Ce matin le réveil de star avec le commissaire Gibert de chez Taxi. Allez. C'est Gibert. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors les stars réveillent la France. C'est le réveil de star sur Skyrock. Oui, ici Gibert. Ici Gibert, le commissaire. Commissaire Gibert. Oui, c'est commissaire Gibert qui est en train de bosser. Je fais mon travail, Emilien. Eh bien, c'est bien. Je ne m'appelle pas Emilien. Je m'appelle Diffou là. Mmh. Juste comme ça. Emilien. Non. Je m'appelle. Il y a un Emilien dans le studio. Pas là, non. Non plus. Ah, c'est peut-être celui qu'on va appeler, non? Ah, qu'il n'est pas bête, ce Romano, mais qu'il n'est pas bête. En effet, Romano, tu as mis le doigt dessus. Ah, je préfère le mettre dedans, mais bon. Je sais, mais à cette heure-ci, on va le mettre dessus. Ouais, dessus. Oui, c'est mieux. À 6h10, on a appelé Emilien. Et Emilien se réveille avec le commissaire Gibert, réveillé par un keuf, ça fait plaisir. Hein. Ouais. Allez, c'est parti, chez Emilien. Allô? Oui. Ici Gibert. Gilbert, c'est qui, Gilbert? Commissaire Gibert. Oui, et moi je suis le pape. Ah, Emilien. Oui, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Je fais mon travail, Emilien. Qu'est-ce que tu fais là? Ton travail de quoi? Messieurs, l'heure est grave. Après avoir écumé les banques hollandaises, italiennes, belges, le gang des Mercedes vient d'entrer en France. Et alors que je m'en bats les couilles, moi? Ce sera une banque marseillaise dans les 3 jours. Dis-moi, tu t'amuses jusqu'à quand là? Tu vas t'amuser? J'ai autre chose à faire, moi, d'accord? Fais pas ton mariole, toi, sinon, contrôle des papiers, tu vas te retrouver au ballon, ça va pas t'aider, hein? Viens à la maison, quand tu veux, je t'attends. Est-ce que je me suis bien fait compris? Oui, je t'attends, là. Mes fesses. Bah, dis-moi, tu vas m'emmerder longtemps, hein? Alerte générale! Bon, allez, c'est bon. Non, c'est pas bon. T'es rapproché. Il a raccroché, mon oui, il avait bien raccroché. Ne t'inquiète pas, commissaire Gibert. Le téléphone d'Emilien va encore sonner, tu vas encore pouvoir lui parler. Allez, on y retourne. Emilien, qui est marseillais, je ne savais pas que le pape était à Marseille, mais qui est également le pape. Je suis le pape. Ah, ici, c'est le pape. Et voilà, le commissaire Gibert, ce que je lui dis. Et voilà. On file à Marseille, la ville de taxi. Hein. Bah ouais. Oui. Ah. Allô? Où j'en étais? Alors, écoute-moi bien, mec. Tu vas t'arrêter de m'emmerder, d'accord? Pas de précipitation, Emilien. Hein. La gendarmerie, je viens de téléphoner à la gendarmerie. Et maintenant, tu vas être sur écoute et tu vas te calmer. J'ai l'air de quoi, maintenant? Mais quoi, tu as l'air de quoi? Donne-moi ton numéro de téléphone que je t'appelle. Tu vas m'emmerder jusqu'à quand? 24 heures sur 24! Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, tu veux quoi, là? Bon, arrêtez vos conneries, maintenant. Moi, j'arrête pas mes conneries. La gendarmerie elle est au courant, maintenant. Tu es sur écoute, mon collègue. Bon, enfin, réfléchissez, Emilien. Ça n'a aucun sens. Dis-moi, tu vas m'emmerder longtemps, tu as bu? Il y a un début à tout, Emilien, surtout en matière de bêtises. Croyez-moi. Tu es qui, toi, là? Commissaire Gibert. Et je m'en bats les couilles, toi, commissaire Gilbert. Tu commences à me casser les couilles, t'as compris? Ah, vous êtes vraiment une belle bande d'abrutis. Ah. Oh, donne-moi ton numéro de téléphone, je te rappelle. Non. Non? Tu as peur? Oui. Ouais? Alors écoute-moi. Continue à m'appeler et tu auras des emmerdements, je te garantis. C'est pas drôle du tout, ça. Vous savez, il y a des fois, ça crispe, hein? Continue. Hein? Il a raccroché. Mais ce coup-ci, on va s'arrêter, le commissaire. Ouais, je crois que c'est bon, là. Emilien, il en a assez eu. Oui. Il a bout de nerf, le type. Et j'appelle la gendarmerie. Ça sert à rien, c'était la police que t'avais au téléphone. Bah oui, c'était déjà Gibert. Là, on était déjà chez un commissaire. Ça sert à rien d'appeler la gendarmerie maintenant, Emilien. Non, à Gibert. Il est sympa, cet Emilien de Marseille. Un petit peu énervé. Un petit peu, mais sympa, comme on les aime. Un petit peu au taquet, là. Voilà, ouais. Bon, il nous a bien réveillé ce matin. Le commissaire Gibert et Emilien. Et à 6h13, on se prépare à jouer ensemble avec un invité mystère. On va vous offrir la nouvelle PS4. Ouais. Ah. Avant la grande PS4 Pro qui sortira en novembre, vous gagnez déjà la PS4 Slim. Elle est pour vous. Invité mystère à découvrir avec une des émissions préférées de certains membres de l'équipe que je ne citerai pas. C'est-à-dire devine. Moi. Oui, par exemple. Oui. Une des émissions préférées de carrière. Alors, accrochez-vous. C'est du lourd, hein, dans un instant, là. Allez, émission à découvrir. Et on joue ensemble pour la PS4. Juste le temps d'écouter Rihanna et Where Have You Been. C'est sur Sky à 6h13. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. I've been everywhere, man. Looking for someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. Where have you been? 'Cause I never see you. Le son de Rihanna, Where Have You Been sur Skyrock à 6h17 et on va jouer ensemble avec une émission de télé, une des émissions préférées de Carayol. Tiens, je vous balance le générique et on découvre le générique mystère ce matin. On fait ça. Allez. C'est bien, Carayol, tu vas pouvoir danser, tu vas pouvoir faire la pom-pom girl. Ah, cool. Salut.

We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take it slow, make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Bonne journée, bon réveil sur Skyrock. Vos conseils pas chers arrivent dans un quart d'heure avec aujourd'hui du piratage à la une des conseils pas chers avec et toi, je Romano. Vais mettre une fin à tout ça. Il va mettre fin à tout ça parce qu'il a envie. Ouais, et c'est ça, et je vais me faire payer. Et dans tes conseils pas chers, tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Les conseils pas chers arrivent. Vos 1 500 € aussi. Inscrivez-vous hein, d'ailleurs si vous voulez augmenter vos chances de gagner 1 500 €. Vous envoyez 1 500 au 7 20 20 et peut-être qu'on vous appellera là tout à l'heure à 6h30 premier rendez-vous avec les 1 500 € pour aujourd'hui, c'est toutes les demi-heures. Ouais. Et tous les matins sur Skyrock. Et là, on a avec nous Fred de Saint-Nazaire. Allo, allo, Fredo. Ouais, salut, Nifoul, salut l'équipe. Salut, Fred. Salut, Fred. T'es à Saint-Nazaire, t'as 33 ans, Fredo, et tu conduis ton bus, toi aussi. Ouais, c'est ça. Eh voilà. Bah, c'est bien, on est premier sur les chauffeurs de bus. T'as entendu hier, Loïc, il a gagné 1 500 € dans son bus. Ouais, j'écoute tous les matins, d'abord tous les gamins, je leur fais écouter Skyrock le matin. C'est bien. Salut, les gamins, ils sont pas encore là, les gamins, dans le bus. Non, je commence dans une heure, là. Très bien, bon, bah, le temps de te préparer et le temps de gagner la PS4 Slim, elle est peut-être pour toi, parce que t'as été le plus rapide à laisser la réponse. Ouais. T'as envoyé le message, je suis sûr que t'y croyais pas en plus. Tu t'es dit, allez, j'envoie. Non, que... bah, comme je disais à Carriole en antenne, quand t'as dit que c'était l'émission préférée à Carriole, j'avais déjà tapé les 12 coups de midi avant que tu mettes les génériques, en fait. Ah ouais. Bah, toi, t'es un fidèle, c'est bien, faut bien connaître les membres de l'équipe. C'est bien, ouais. Je vais te poser une question pour voir si tu connais bien les membres de l'équipe. Combien Romano a-t-il de cheveux sur le crâne? Zéro. Eh bah, ouais, bonne bien, réponse. Bien joué. Très, très bonne réponse. Bon, bah, la bonne réponse, il nous la faut maintenant. Donc, tu as dit les 12 coups de midi hein, pour le générique mystère. Eh ouais. C'était Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann lui-même, oui. Et son émission de TF1. Et Z. C'est ça. C'est la voix off. Ah, c'est Z. La c'est voix Z. Off. Elle est rigolote. Ah, non, mais elle est pas drôle. Elle est toujours là, Z. Cette dame. Ouais, c'est Z. Elle essaye de faire des blagues. Ouais, de temps en temps, ouais. Mais aussi drôle. Ils font un peu un duo comique, les deux, quoi. Ah, mais ça m'étonne pas. Est-ce qu'elle fait des bruits comme Jean-Luc Reichmann, par exemple, ça, là hey. Non, moi, non, elle essaye de parler à peu près normalement. Elle fait pas ça. C'est quoi, c'est deuxième fait. Non, elle fait pas, elle. Elle annonce les cadeaux et elle explique les réponses. Très bien. Et bien, justement, des réponses, on va en avoir plein. Voici les meilleurs candidats. Des 12 coups de midi avec les super réponses des super candidats des 12 coups de midi. Vous êtes prêts? Allez, ouais. Vas-y. Allez, on peut jouer. Tiens, j'ai des questions pour les membres de l'équipe. On va jouer ensemble. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est midi. Non. Jean-Luc, il n'est pas midi, il est 6h26. Il est en décalage horaire, Jean-Luc. Bon, écoutez bien la question. Question de Jean-Luc Reichmann. Qu'est-ce qui peut être longue, courte, de cheval et que porte une femme si elle commande son mari? Alors. Une queue. Eh bien, qu'est-ce qu'a répondu le candidat? Une queue. Non, la candidate a dit une queue. C'est pas ça. Eh non, c'est pas ça. La bonne réponse est une culotte. Non, c'est la culotte en fait. Eh oui, la culotte. La femme, ouais. Elle porte la culotte de cheval. Culotte de cheval comme Carriole est là. Ouais. C'est ça. Alors que Carriole ait répondu une queue, ça ne m'étonne pas. Karim, c'est plus inquiétant quand même. Ouais. Bon, une autre question. Tiens, écoute bien, Karim. Selon l'expression, quand on va se faire une toile, c'est que l'on va au. Alors. aux toilettes. Aux toilettes, on va se faire une toile aux toilettes. Et tu vas pouvoir aller aux deux coups de midi, Cariole rigole, toute gênée. Non, mais c'est quoi? Non, mais par contre, tu vas pas rester longtemps ici. C'est une réponse de merde. C'est le cinéma. Toilette. Non, ah pas non, les toilettes. Non, c'est le musée. Et le candidat. C'est le musée. Mais non, on va se faire une toile. Mais non, c'est un cinéma. C'est un cinéma. C'est un musée. À part toi, Romano, ils sont tous dans le studio. Non, mais aller se faire une toile, c'est, tu sais, une toile de cinéma, les gars. Non, non, pour moi, c'est le musée. Il y a des peintures. C'est pas notre faute si t'es con comme une bite. Bah non, moi aussi, je pense. Et toi aussi. C'est bien, c'est ce qui devient agressif. Non, si vous êtes agressif. Non, mais une toile de peinture. Mais non, vous êtes bien. Mais non, c'est l'écran de cinéma. Une toile d'araignée, ouais, Fredo. Voilà, c'est ça, ouais. Alors, il y en a un qui est super content. Parce qu'il avait l'air tout bébête, c'est Karim. Mais ah ouais, finalement, moi, ça rassuré. Va. Moi. Dans la partie, surtout c'est si con que toi. Il a dit quand même toilette, pardon, hein, c'est pire. Oui, il a dit toilette, comme le candidat des 12 coups de midi. Allez, une autre petite question et après on y va. Vous êtes prêts? Écoutez bien Fredo, écoutez bien dans l'équipe. Que provoque une arme dite létale? Tu sais que provoque une arme létale, Karim? Elle envoie du... Non, c'est pas du lait, gros. C'est un baiser. Je sais pas. Mais si, elle est... Moi, je sais. Ah, attention. Elle envoie du lait. Non. Mais c'est quelque chose. Mais demi-écrémé. Non. Une arme létale. Qui tue? Oui. Bah ouais. Du lait, non, elle répond du lait, la candidate. Ouais, la candidate est idiote. Du lait. Bon, enfin bon, il y en a plein qui se sont plantés. Oui, je suis sûr que chez vous, il y en a plein qui se sont plantés, comme dans l'équipe, là. La mort! Ben oui, elle la provoque mort. La mort. Une arme létale provoque la mort. Eh, on rejouera tout à l'heure, parce que j'ai bien aimé ce jeu à la con, moi, tiens. Ouais. C'est marrant. Oui, c'est marrant. Tu vois, on s'y prend. Oui, ah oh, bah oui. Et puis surtout, t'as l'air aussi con que les candidats, quand tu regardes ça. Non, en ce moment, il y a un super champion, c'est Christian. Et c'est encore le même. Ah putain, mais lui, ça est 77ème victoire. Il est en train de battre. Il est deuxième. C'est le deuxième meilleur. Voilà, c'est ça, non, mais le mec, c'est hallucinant parce qu'il pose des questions mais d'enculé hein, des trucs mais introuvables. Oui, alors épelez-moi en 30 épelez-moi en 2 secondes anticonstitutionnellement. Ah mais le mec il NTI, le mec il y arrive. Ah ouais, il arrive. Non, il est fort. Ouais. Bon bah bravo en tout cas, le plus fort ce matin en tout cas. Pour l'instant, c'est toi Fredo, t'as gagné ta console, ta PS4 ouais. Slim. La PS4. Ah, c'est cool, Slim. Merci l'équipe. Elle est pour toi. Bon bah écoute, t'embrasses tes enfants. Et bon bus alors hein. Bah oui, bon courage. Merci. D'abord après avoir raccroché, je vous écoute alors. Donc, t'es Fredo, attention. Hein. On est capable de vérifier. Ouais, attention, on va te surveiller. Hein. Pas de problème. Bonne journée Fred, salut à Saint-Nazaire. Bon, salut. Ça, et il fait pas beau. Vous. Il fait pas beau à Saint-Nazaire. Non, si, il fait beau. Ah ouais. Oh, il fait nuit là, non? Il fait froid, mais il fait beau. D'accord. Bon, on a la météo qui arrive là. Dans un instant, vous saurez tout avec Rémi. Il arrive juste après le son de DJ Snake. Et Justin Bieber. DJ Snake, Justin Bieber. Let me love you sur Sky à 6h29. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Having to heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a knife. Never let you go. Never let me down. Don't you give up. Nah, nah, nah. Extrait de l'album de DJ Snake, on écoutait Justin Bieber sur ce morceau à 6h31. Dans un instant sur Sky, du son pour se réveiller. Vita et Jul. On écoutera Lil Wayne et Wiz Khalifa. et Pitbull et Florida, autrement dit un spécial duo. Ouais. Que des duos jusqu'à 7h du matin. C'est pas fait exprès, mais c'est trois bons sons. On écoutera ça les dérange juste après vos 1 500 euros. On va faire le point sur les conseils pas chers à 6h40 aujourd'hui. Du piratage, tu nous as dit, Romano, dans les conseils pas chers. Ouais, piratage des chaînes payantes. Les chaînes payantes ne sont pas contentes. Et le sondage du morning, aujourd'hui, on va parler de fouiller dans les portables. Ah. Si vous avez déjà fouillé dans le portable de votre chérie. Oh non, c'est mal. Ah, c'est mal, hein, je sais, c'est mal. Faut déjà avoir une chérie, hein, Rémi. Ah ouais, Rémi, dis donc, mon pauvre. Ouais. T'as pas de chérie qui fouille dans ton portable. Les filles, envoyez des messages pour Rémi, il est seul et abandonné. Et puis récupère tous les numéros, hein, parce que le mec est tellement chiant. N'importe. Ouais. Et il croit que se faire une toile, c'est aller au musée. Ouais. Parce que moi, je vais au musée, les gars. Bon, attends. Bah, grave. Tu risques de trouver des meufs. Vous allez vous éclater, les filles, avec lui. Hein, c'est le week-end au musée, c'est génial. Je vous emmène au château de Versailles. Non, ça va aller. Non, merci bien. Je suis déjà allé quand j'étais petit, c'est sympa, avec l'école et tout. Bon, on fait Rémi, il fait la sécu là-bas. On fait le point sur la petite. Là, il va faire les infos sur Sky. Les infos qui démarrent par la météo à 6h33. Le point sur le temps. Bon, bah, c'est un peu comme hier. Hein. Ouais, c'est ça. Encore bien couvert, au moins ce matin, sur une majorité du pays. Le soleil fera de belles apparitions autour de la Méditerranée. Puis plus tard, au sud de la Garonne et sur la façade atlantique. Des averses, par contre, sur les côtes de la Manche qui vont se décaler vers le centre, l'île de France et les frontières du Nord. Les températures, comme hier, comprises entre 10 et 18 degrés ce matin, 15 en île de France, de 18 à 23 cet après-midi, et entre 24 et 27 dans le sud-est. Et puis la qualité de l'air, elle est satisfaisante aujourd'hui. Les indices compris entre 3 et 4, ça monte à 5 dans les Hauts-de-France, à Paris et à Cannes. Et le point sur l'actu maintenant, c'est parti, l'actu et le sport. Un adolescent de 16 ans interpellé hier, il est soupçonné d'être l'un des deux individus à l'origine de la fausse alerte de prise d'otage samedi à Paris. Une façon apparemment de chercher à faire le buzz. Le jeune lycéen a été arrêté dans son établissement à Vitry-le-François dans la Marne. Il est en garde à vue à Paris ce matin. Son complice est toujours recherché. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a annoncé que l'État va se porter partie civile. Manuel Valls se demande de lourdes sanctions. Les deux auteurs risquent jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Jacques Chirac, toujours hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière à Paris. L'ex-président de 83 ans a été admis pour une infection pulmonaire. Certains de ses proches se disent inquiets. Dans Le Parisien ce matin, il confesse que l'ancien chef de l'État est très diminué depuis la mort de sa fille Laurence et qu'il n'a plus envie de se battre. Un pyromane interpellé hier dans l'Aveyron. Il est soupçonné d'avoir allumé des incendies dans 3 églises de Millau. Les dégâts sont superficiels. L'individu est en garde à vue et n'a pas encore expliqué les raisons de son geste. Fin de la trêve en Syrie, c'est l'armée syrienne qui a annoncé la reprise des combats 1 heure avant l'expiration du cessez-le-feu. Les rebelles n'auraient pas respecté l'accord, des raids aériens ont frappé Alep, 6 civils dont un enfant ont été tués, 22 autres ont subi le même sort plus à l'ouest, dont des humanitaires qui acheminaient des camions envoyés par l'ONU. Une mauvaise soirée pour Djibril Cissé, l'ancien joueur des Bleus, s'est rendu hier à une petite soirée au puce, là de Saint-Ouen, en région parisienne. Et bah, il s'est fait braquer vers 22h à la sortie d'un restaurant. Deux hommes armés lui ont volé des bijoux avant de prendre la fuite. Le montant du préjudice n'a pas été dévoilé. Ah, il y avait beaucoup d'argent ? Bah, en tout cas des bijoux. Oui, il y a beaucoup de... Ouais. Apparemment, ouais. Ah, bah, Romano vend lui un truc, un anti-vol. Mais non, il était au pire direct. Bah non, mais moi j'y étais hier. Ah, c'était toi qui étais là-bas. Ah, excuse-moi, Romano, c'est pour ça que t'es parti 2 minutes hier pendant l'émission. Bah, il a fallu que je m'absente. Ouais. Hier soir, voilà. Ouais, filer le plan. Très bien. Bon, et le foot maintenant, tu en parlais de Djibril Cissé. Maintenant, on revient au terrain avec la Ligue 1 et puis des news du PSG aussi. Ouais, le début ce soir de la 6e journée. 2 matchs à l'affiche. Lille-Toulouse à 19h avant que Paris n'accueille Dijon à 21h. On suivra bien sûr ce match dans la radio libre. Ce sera pour la 3e fois sans Atem Ben Arfa. La crise semble vraiment d'actualité entre la recrue phare du mercato et Unai Emery, le coach qui affirme qu'il n'y a aucun bras de fer mais qu'il ne prend que les meilleurs. Oui, autrement dit, t'es mauvais. C'est pas sympa hein, quand même. Hein. Il a bien fait d'aller à Paris en tout putain, cas. Le pauvre. Le pauvre. Vous savez qu'on a le même boucher, je vous l'ai dit. Ah bah magnifique. Ouais, ah génial, oui, tu le dis à chaque fois qu'on parle de lui. Ah bah t'as vu. Là, il va avoir le temps d'y aller avec sa foot. Ouais. Atem, rendez-vous à la boucherie tout à l'heure. La direction du PSG qui commence à se préparer pour le mercato d'hiver. Pas question pour le club de rater de bonnes opportunités après les départs de Zlatan ou encore de David Luiz. C'est d'ailleurs un remplaçant au brésilien que cherche Nasser Al Khelaifi. Des négociations sont en cours avec Benfica au sujet de Victor Lindelof. Pas sûr que cela aboutisse hein, puisque le Suédois, très très talentueux d'ailleurs, hein, est plus que titulaire du côté du Portugal. On verra ça dans quelques mois. Mais en tout cas, c'est sûr que le mercato du mois de janvier va être très animé du côté parisien. Ouais, et du côté marseillais aussi, on dit. Ouais. Parce que Franck McCourt était à Paris hier, il a vu la Ligue. C'est le nouveau patron hein, de l'OM. C'est ça. Ouais. Et il dit qu'il va investir plein d'argent. Ouais. Il a des sous. Après, il faut voir quand il va les sortir. Aussi, on les attend. Ouais. Merci Rémi, on va pas attendre longtemps pour les prochaines infos. La suite tout à l'heure, ce sera à 7h. Ouais. Et les 6h36 sur Skyrock. La nuit a été courte. La journée sera moins longue avec le morning de Default sur Skyrock. Et oui, la journée démarre bien avec un chèque de 1 500 € qu'on va peut-être vous offrir maintenant, toutes les demi-heures, tous les matins sur Skyrock. On vous appelle, on vous demande quelle est votre radio préférée. Skyrock. Eh ben, il faut répondre Skyrock et vous gagnez 1 500 € comme Loïc de Marseille hier, comme Fabrice de Villeparisis qui a gagné hier matin aussi. Bravo à tous les deux et ce sera peut-être votre tour maintenant. J'ai l'enveloppe dans les mains. Petite question qu'on voulait vous poser puisqu'on va parler piratage. Ouais. Le piratage, est-ce que vous avez déjà vous aussi utilisez des sites de streaming pirates pour regarder, je sais pas moi, des films, des séries, des matchs de foot. Moi, je l'ai fait tout l'été pour des matchs de foot. Ouais, moi, jamais. Pas cher. Pas cher le match de foot, jamais, Cariole. Jamais. Bravo, tu es honnête. Non, bravo. Mais c'est vrai. Jamais. Mais je sais pas comment ça marche. C'est vrai. Ah, en fait, c'est plus ça, ouais. C'est plus ça, en fait. Peut-être. Ouais. Ah, tu connais pas les sites. Les matchs de foot, par exemple, quand t'es à l'étranger, bah, tu te mets sur un site. C'est russe en général, ces trucs. Hein. Ouais, c'est russe, ouais, souvent, ouais. Ouais, souvent russe. Tu te mets sur un site et tu regardes les matchs et tu peux regarder, je sais pas, un match sur Canal ou un match sur Bein, comme ça. Eh bien, justement, Bein n'est pas content. Ah, tu nous en reparles tout de suite. Ouais, et je vais faire respecter la loi. Ah, enfin, Romano. Enfin, tu passes du bon côté, du côté de la légalité. Voilà, exactement. Ah, j'étais sûr qu'il y arriverait un jour. Hein. Non, parce que c'est scandaleux de pirater. Et sinon, on parlera des fouillages dans les portables. Ce sera notre sondage du morning, avant 7h. Puis on n'oublie pas l'horoscope de l'amour dans 10 minutes, un quart d'heure. Mais avant ça, allez, 1 500 € à gagner en direct. Comment gagner 1 500 € en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning show. Allez, vos messages au 41759. Vous nous dites, et sur l'appli aussi, l'appli Skyrock, c'est gratuit, profitez. Vous nous dites ce que vous regardez en piraté ou est-ce que vous regardez rien en piraté comme Cariole parce que vous comprenez rien du tout de la technologie. Vous pouvez tout nous dire. Allez-y. Hop là, ouverture de l'enveloppe. Eh bien, ce matin, nous allons sur la Côte d'Azur. Si vous nous écoutez du côté de la Côte d'Azur et même plus précisément à Cagnes-sur-Mer, c'est chez vous qu'on va offrir 1 500 €. On a tiré Marie Torrente. Marie Torrente. C'est parti, on l'appelle en direct. Est-ce que ça sera notre première gagnante de la journée, Marie? Allô? Eh bien, on croise les doigts. On croise les doigts pour Marie. Allô, Marie? Oui. Oui, madame Torrente. Oui. On dit torrent ou Torrente? Torrente, c'est fait. Torrent. Torrente, c'est italien. C'est fait un peu italien. Eh oui, c'est italien, mais on dit torrent. Torrente. Alors, Marie, on va te poser une petite question. Je t'ai pas dit, mais on est en direct à la radio. D'accord. Et on a 1 500 € à t'offrir, Marie. Oh non, c'est pas vrai. Ah si, c'est vrai. Je suis désolé d'arriver avec une nouvelle comme ça. Hein. C'est terrible. Tu vas peut-être gagner 1 500 € si t'as la bonne réponse. On va te demander quelle est ta radio préférée, Marie. Ah bah c'est Skyrock. Et bah c'est gagné. Bravo, Marie. Tu viens de gagner 1 500 €, Marie. Bien joué. Ah, trop bien, je viens de me réveiller à l'instant en plus. Eh ben voilà, c'est un réveil sympa. Hein. Ah, tu m'étonnes. Ah, ouais. Bah, c'est con parce que moi je me réveille à 5h30 et il n'y a pas encore les 1 500 €. Non. Ah voilà. Et ouais. Bah, moi ça me fait un bon réveil là. Ah bah ouais, c'est magnifique. 1 500 € pour toi, Marie, qu'on va t'envoyer à Cagnes-sur-Mer. Tu fais quoi dans la vie, Marie? T'as quel âge? Je suis secrétaire, j'ai 29 ans, j'ai un petit bébé. Et voilà. Magnifique. Et on est trop contents. Je vais aller réveiller mon chéri tout de suite. Ah bah, chérie, tu vas le réveiller, tu vas lui dire 1 500 € dans... on a gagné. Oh là là, on a gagné sur Sky ce matin. Je crois pas. Oh, c'est génial. Et bah, tu embrasses. Je l'écoute tous les matins. Quoi, je me dis, ah bah, c'est pas moi. C'est toi. C'est toi, Marie. J'y crois pas. C'est toi. À 6h40 en plus. Première gagnante de la journée. Premier coup de fil de la journée pour les 1 500 €. Première gagnante. Ouais. Je sens que c'est une bonne matinée. Hein. Ah ouais, c'est génial. Inscrivez-vous au 720-20. Vous aurez 1 500 720-20. Ça peut marcher aussi pour vous. Hein. Oui, ça marche. Ah, toi, tu t'es inscrite? Ouais, je me suis inscrite. Eh ben, t'as bien fait de t'inscrire. Inscrivez-vous au 720-20, on vous appellera peut-être ce matin. 1 500 720-20. Et un gros chèque de 1 500 € pour toi, Marie. Tu vas faire plaisir à toute ta famille, j'imagine, avec Oui, je vais faire plein de cadeaux. T'as de quoi faire avec. Ah oui. Grosse bise, Marie, on t'embrasse. Gros bisous, merci. Bisous, beaucoup. Bisous. Et raccroche pas. Salut, Marie. Ouais, ça marche. Bonne journée. Et salut, la Côte d'Azur. Le Tour de France continue dans, allez, moins d'une demi-heure. On vous offre encore 1 500 €. C'est Skyrock qu'il faut répondre. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Réveil. Oh, et Jules et Vita, les deux sur le même morceau, ça les dérange. Et dans un instant, le piratage, ça vous dérange ou pas? Allez. Oh non. À toi, non. Je rappelle, tu dois faire respecter la loi, c'est oui, ce que t'as dit. Conseils pas chers. Ouais. Ouais, les conseils pas chers qui arrivent sur Sky après Jules et Vita. Quand je parle, je fais. Rester vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop? On peut tous glisser. Y'a que Dieu qui sait. Je me dis quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse laisser parler, vas-y laisse-les faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans de sales affaires. Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange, ceux qui pensent sur ton temps. Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange, ceux qui pensent sur ton temps. On en a rien à foutre. Pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est, crois pas que j'en fais trop. On est les mêmes en vrai. Je regarde trop la télé. On a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, ils sont pleins de sales idées, font comme analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Oh, na, na, na, na, na. Ils m'ont fatigué, ils sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans de sales affaires. Nous on marche à la parole, je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange, ceux qui pensent sur nos dos. Nous on marche à la parole, je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange, ceux qui pensent sur nos dos. On en a rien à foutre. Je crois qu'ils m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. On dit nos promesses de parole. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Où on va d'où on vient? Où on va d'où on vient? Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans de sales affaires. Nous, on marche à la parole. Je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent sur nos dos. Nous, on marche à la parole. On en a rien à foutre. Vita et Jules sur Skyrock vont se réveiller ce matin à 6h44. On écoutait Ça les dérange. Bonne journée, bon réveil. On est mardi. On est le 20 septembre et c'est l'heure de. Stop au piratage. C'est l'heure de mettre un grand. Hola, je dis stop au piratage. Il dit stop au piratage. Et t'as vu le nombre de pirates qui nous écoutent le matin là? Oui, petit pirate. Oui, les pirates. Bonjour Tim Romano de Versailles. Bonjour à Julie également du 62. J'ai déjà piraté, il nous dit. Et j'ai arrêté depuis que j'ai reçu un message Adopi. Mmh. Ah bah oui, je comprends. Oui. Quand ah mais c'est fini ça maintenant. Ah, tu reçois encore des messages Adopi? C'est fini, tu crois? Je sais pas. Je crois que c'est fini. Hein. Je crois que ça avait été la loi avait été abolie. Ouais. Je crois qu'il prune plus, mais tu peux recevoir des messages. En tout cas, c'est ce qu'a reçu Julie. Dis-nous quand est-ce que tu as reçu ton message Adopi. Virgule, je télécharge des films tous les jours avec ce que l'État nous pompe. On a bien le droit à ça, mort de rire. Toutes les excuses sont bonnes pour pirater, je vois. Ah, tiens, depuis qu'il y a les streamings, je vais plus au Parc des Princes et je ne vais plus au ciné, c'est pas cher. Cré-cré qui nous envoie le message. Ça pirate des séries, ça pirate des matchs de foot, ça pirate. Il y a même des décodeurs pirates pour Abdeluche du Calvados, 29 ans, j'ai un décodeur pirate. J'ai tous les bouquets du monde, gratis, pendant un an. Pas cher le décodeur, pas cher la parabole, dis donc. Ouais, pas cher, mais carrément gratuit. Oui. C'est pas bien, nous dit Seb. Je télécharge plein de films. Non, c'est pas bien, ça. Et il commence par c'est pas bien. Bon, ben c'est pas bien, et Romano, tu le sais, ce n'est pas bien de voler. Non, ce n'est pas bien de pirater. Oui. Et il y a un des patrons de Beansport qui se plaint. Ouais. Parce qu'il y a trop de piratage de Beansport. C'est de mieux en mieux Beansport, je trouve. Ah ben, les pirates adorent. Hein. Ah ben, je comprends qu'ils piratent, c'est tellement bien. Alors, ils ont repéré des sites qui rediffusaient Bean illégalement. Ouais, moi aussi. Par exemple, ils ont les Bean, ils ont mené une enquête. Il y a quand même un site durant l'Euro de football qui, par match, avait 330 000 visiteurs. Ah ouais, quand même. Donc, ils en ont marre, il faut fermer les sites les uns après les autres, c'est la guerre. Mais dès qu'ils en ferment un, il y en a trois autres qui naissent juste derrière. Ouais, c'est ça. Eh bien, ce matin, je vais faire respecter la loi. Je vais appeler les familles, leur dire qu'on a vu qu'elles regardaient illégalement Beansport, et je vais leur demander le prix de l'abonnement, plus une majoration. Bien alors, sûr. Alors, tu es qui de Beansport? Tu es Nasser? Ouais, mais il faudrait me trouver un nom, tu vois. Alors, je sais pas, tu veux t'appeler comment? Cheb quelque chose. Cheb Khaled. Cheb Fodel. Cheba. Cheba. Pour les meufs, tu vois. Cheb Cheba. C'est mignon. Tu veux t'appeler comment? Cheb Le Pen, je sais pas. Cheb Zemmour. Ouais, ça c'est cool aussi. Bon, allez, le temps du jingle et tu trouves un nom. Allez, c'est parti. C'est parti. Tu cherches ton portefeuille ? Regarde dans les poches de Romano. Les conseils pas chers sur Skyrock. Ah, et c'est pas bien, on me dit, c'est un site pour télécharger. Ouais. Il y a un site qui s'appelle c'est pas bien.com. Ouais. Ah, tu connais ouais. Karim, il connaît tous les sites pirates du monde. Ouais, parce que j'y vais. Je sais. Bravo. Donc, prune-le, lui, regarde là. Il est... Non, mais t'inquiète, lui, je m'occupe de son cas après. Bon, alors, on appelle qui ? Bah, on appelle des familles. Oui, mais ouais. qui On va chez Serge. Serge. Et tu es Cheb quoi alors ? Cheb. Cheb Rachid. Cheb Rachid. Bon, Cheb Rachid, si tu veux, allez. Allô ? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je me présente, monsieur Cheb Rachid, à l'appareil. Je travaille pour Beansport. Oui. La chaîne de télévision. Est-ce que je pourrais parler à Serge, s'il vous plaît, à ce propos ? Bah, il est au travail, mais vous appelez les gens à 7h moins le quart ? Eh oui, parce qu'en fait, on a constaté que vous regardiez illégalement Beansport sur Internet. Légalement ? Illégalement, madame. Illégalement, c'est légal. Non. Ah, non. Bah, madame, vous ne payez pas l'abonnement ? Vous ne pouvez pas nier ? Non, mais c'est quoi ce trafic ? Ah, bah, c'est quoi ça, madame ? Eh bah, madame, quand on veut regarder Beansport, il faut payer 11 euros par mois. Je vous dis qu'on paye, on est abonné à Orange. Ah, bah, oui, mais vous n'avez pas Beansport inclus dedans, madame. Bah, bien sûr que si. Eh bien, non, vous non, je le sais parce que je suis chez Orange et vous ne l'avez pas tout le temps gratuitement. Non, bah. Alors, madame, je vous explique comment ça va se passer, étant donné que ça fait quelques mois que le cinéma dure. Donc, je vous verbalise, je vous compte 3 mois d'abonnement, donc ça fait 33 euros plus la majoration, on arrive à 200 euros. Oui, bah moi je vais appeler Orange ce matin. Ah bah appeler Orange, vert, violet, rouge mais madame, ça ne changera rien hein. Non, mais c'est n'importe quoi là. Parce que moi ce que je vous propose, c'est que je viens chez vous là d'ici 10 minutes je prends le petit café avec vous, je vous explique la situation, vous me donnez 200 euros, on n'en parle plus hein. Non mais n'importe quoi, je m'en fous, j'ai un chien, il va vous bouffer. Ah, bah. Ah c'est pas grave, mais moi je peux le mordre aussi hein. Tu veux me faire bouffer par un chien. Romano peut le mordre et en plus tu t'en fous parce que t'as des dents plastiques. Ah ouais, aucun problème hein. Je peux dire que les dents plastiques ça fait mal ça. Ah c'est 13 euros maintenant. À 13 euros ça a augmenté, ah, ouais. Ah merde, il faudrait que je la rappelle pour lui annoncer le tarif plus élevé du coup. Ah, on nous dit aussi c'est 14 euros. Bonjour, vous êtes bien ? On est bien, ouais. Ah, on est bien, là, on est bien, on est pas mal. On est bien, ouais. J'en ai déjà carotté une, on est bien. Bah écoute, ça va alors. Je vais me faire niaquer par le chien, nickel. T'as un rendez-vous avec un chien ce matin, ouais. Pauvre bête. Qui, Romano ? Non, le chien. Ah, pardon. Excuse-moi. Ah ouais, carrément. Elle vous fait de la viande. Pas grand chose à bouffer, surtout. Toi. Allô ? Allô ? Oui, bonjour, c'est la femme d'Alain ? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, Cheb Rachid à l'appareil, je travaille pour Beansport, la chaîne de télévision. Du Qatar. Et, oui. j'ai constaté que, a priori, votre mari regarde illégalement la chaîne sur Internet. Non, il regarde pas la chaîne Internet. Ah, non, il regarde la chaîne, madame, illégalement. Normalement, vous devriez payer un abonnement, vous ne le payez pas, vous me devez 200 euros, madame. Allô ? Oui, c'est Serge ? Non, c'est pas Serge, c'est Alain, pourquoi ? Eh ben Alain, dis donc, il faudrait peut-être payer l'abonnement Beansport, là. Mais moi je t'emmerde mon pauvre vieux. Ah bah je vais venir chercher les 200 euros que tu me dois. Oui bah viens, viens. Puis je vais te mettre une fessée, c'est pas bien de pirater. Viens vite, je t'attends. Ah bah j'arrive dans 5 minutes mon chéri. D'accord, viens, je t'attends. Tu me prépares un petit café ? Oui. Et le tapis rouge s'il te plaît, je suis quand même Cheb Rachid. Oui. Ouais. Du Qatar. Du Qatar monsieur. Du Qatar. Donc à là j'arrive. Et bah c'est bon. Bon bah c'est parfait. Bah il t'attend. Bah, tapis rouge déroulé pour Romano ce matin. Eh bah voilà, et parfait. Bah voilà, quel beau conseil pas cher. 6h50 dans une minute l'horoscope de l'amour. On écoute aussi le son de Lil Wayne et Wiz Khalifa, j'avais promis. Hein. Sucker for pain. Sucker for pain et le sondage du morning qui arrive aussi. Avez-vous déjà fouillé dans le portable de votre chérie ? Tiens, dites-nous 41759 et appelez Skyrock, on vous attend. Tout l'été, Géant Casino t'a fait vibrer au rythme du Brésil en mode barbecue fiesta. Aujourd'hui, Géant Casino félicite Nicolas, Géraldine, Emmanuel et Pauline pour avoir gagné le concours du plus beau barbecue de l'été. Leur récompense, 8 jours de fiesta au Brésil, tout frais payé. Merci Géant Casino. Blair Witch. Selon la légende, cette forêt aurait été maudite. Oserez-vous y passer la nuit ? Faut qu'on parte ! Faut qu'on parte ! Effrayant. C'était quoi ça ? On n'est pas tout seul. Intense. Bouille pas ! Mets-toi dans le coin ! Regarde pas ! Terrifiant. Ça va aller. Okay. Ça va aller. Blair Witch, le 21 septembre au cinéma, avec Skyrock. Et Adopi, ça existe encore ? C'est qui a reçu un message il y a 3 mois d'Adopi ? C'est Jules, là, sur SMS. Eh ben, passe leur bonjour. Eh ben, tu salues Adopi. Et c'est 14,99€ l'abonnement Bein. Mais ça augmente tout le temps. Bah, ça a augmenté de 2€ en 2 minutes. Là. Mais c'est la folie. C'est la folie. Allez, l'horoscope, on y va. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et l'horoscope de ce mardi 20 septembre avec vos puissances amoureuses. Et on démarre par les scorpions et les balances. C'est 0 aujourd'hui, 0 sur 5. Attention, méfiez-vous des promesses qu'on pourrait vous faire aujourd'hui. N'accordez pas trop votre confiance trop vite et vous serez moins déçus comme ça. 1 sur 5, les Verseaux et les Taureaux. N'en faites pas trop pour plaire. Restez vous-même, sinon vous risquez de saouler les autres, amis Verseaux, amis Taureaux. 2 sur 5, les Béliers et les Poissons. Un besoin de changement se fera sentir aujourd'hui dans votre vie. Prenez le temps de savoir ce que vous voulez avant de tout bouleverser. 3 sur 5, les Lions et les Sagittaires, vous prenez soin de vous aujourd'hui. C'est une bonne méthode pour séduire les autres. Continuez comme ça, les Lions et les Sagittaires, un beau 3. Bien. 4 sur 5, encore mieux pour les Cancers et les Gémeaux. Une très très bonne nouvelle est possible sur le plan sentimental aujourd'hui. Et surveillez bien votre téléphone, surveillez bien votre messagerie, vos réseaux sociaux. Ouais. La bonne nouvelle arrive. Et 5 sur 5, les Vierges et les Capricornes. En effet, célibataire, plusieurs personnes vont vous tourner autour aujourd'hui. Vous risquez d'avoir l'embarras du choix, c'est bien. Et en couple, vous allez mettre le feu au désir de votre partenaire. Ça va être chaud, chaud, chaud aujourd'hui pour les Capricornes et les Vierges. Et dans un instant, on fouille dans les portables. Vous avez déjà fouillé dans les portables. Ah bah bien sûr que oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que vous avez cherché? Dites-nous tout au 41759 et sur l'appli. Le sondage du morning arrive juste après Wiz Khalifa et Sock of a Pain. Wiz Khalifa et Lil Wayne. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. I talk to you, take my hand through the flames. I talk to you, I'm a slave to your games. I'm just a sucker for pain. I wanna chain you up, I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain. I'm a sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Pressure from the man, got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dawg. 10 toes down, dawg. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. I talk to you, take my hand through the flame. I talk to you, I'm a slave to your games. Pain. I wanna chain you up, I wanna tie you down. I'm just a sucker. Devoted to destruction, a full dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain, I'm a dummy. Might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark, got jealous bitches up in the boat. Eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in a knot pole, that's why my heart cold, full of sorrow. A lost soul, and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't fear shit but tomorrow. And I'm a sucker for pain. It ain't nothing but pain. You just fucking complain. You ain't tough as you claim. Just stay up in your lane. Just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train. Cause I'm a sucker for pain. Used to doing bad, now we feel like we just now getting there. Ain't got no other way, so we started and finished it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. Take my hand through the flame. Got me begging, begging. Got me begging, begging. Sucker for Pain sur Skyrock, c'était Lil Wayne. C'est l'heure du sondage du morning. Le sondage du morning de Difool sur Skyrock. Tous les matins, on se découvre un peu mieux, nous les Français, comment on est. Est-ce qu'on fouille dans les portables? C'est la question du jour, la question qu'on s'est posée. Vous fouillez dans les portables de vos chéris, vous fouillez dans les portables de vos amis, vous êtes curieux, curieuse. Eh ben alors moi, je vais vous dire, et sans m'étonner, pas du tout, ça j'aime pas ça. Parce que ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas que t'en fasses à toi-même. Ah ben moi je le fais, moi. Toi tu fouilles, Cariole tu fouilles, toi évidemment. Évidemment. Et évidemment, Karim. Non, moi non, je m'en fous. Toi tu t'en fous. Moi je m'en fous. Je t'en fouille. Ouais. Bon, t'as fouillé quoi? T'as fouillé le portable de Romano? Bah ouais. Et tu découvres des trucs un peu bizarres dessus? Non, mais je vérifie toujours le répertoire, les noms, ouais. Qui se rajoutent, si qui elle, rajoute pas. Sur quel site il allait, YouPorn? Non, mais ça j'ai laissé tomber. Ah, c'est son petit plaisir. Ah, c'est ton petit plaisir, Romano, tu peux continuer à aller traîner sur YouPorn. Ah bah très bien, bah, j'irai en rentrant tout à l'heure. Vous avez déjà découvert des trucs qui vous ont pas plu sur les portables? Vous êtes plein à fouiller, je vois les messages que vous envoyez. Ah bah Carriole, tu regardes ces réseaux sociaux, c'est que des chiens. Donc. D'accord, oui, il n'y a pas de risque. Non, ça va, non. À moins qu'elle soit zoophile. Non, mais c'est pas encore le cas, je crois. Ou plus discrète. Ouais, ou plus discrète, c'est vrai. Ouais. Bon, ça fouille sur les messages. Il y a Estelle qui nous envoie un message du 92. Moi, j'ai fouillé dans le portable de mon mec, mais j'ai jamais rien trouvé. Par contre, on s'est engueulé 10 fois à cause de ça. Mm-hmm. Ah bah ouais. Bon alors, le sondage du jour. Quel est le pourcentage des Français qui vivent en couple, qui ont déjà fouillé dans le téléphone portable de l'autre à son insu? Ouais. 70%. 70, tu dis? Alors attendez, il y a 75% de mythos, c'est pas possible. Un quart des Français seulement a déjà avoué fouiller dans le portable de son chéri. Oui, avoué, donc bon. Ouais, donc. Donc ceux qui n'avouent pas, t'en as, oui. Non, mais moi plus. Moi, par exemple, moi je fais pas, je vous ai dit. Bon, ça c'était le chiffre qui fait peur parce que t'as l'impression que les Français sont tous des mythos. Ouais. Un quart des Français seulement fouillerait dans le portable de l'autre. Et qu'est-ce qu'ils consultent? Alors, voici tout de suite le top 3 de ce qu'ils consultent. Numéro 3. Les photos et les vidéos. Ils regardent les photos et les vidéos pour voir s'il n'y a pas eu un truc de chelou, pour savoir si... Ouais, mais là, faut être con pour la laisser, la photo dossier, quoi. Bah, ça peut arriver. Comme ça arrive. Tu sais, sur WhatsApp, tu peux avoir quelqu'un qui t'envoie une photo, elle va directement dans ton répertoire de photos, là. Ouais. Dans ton archivage de photos. Et tu te fais baiser, comme ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Et ouais, donc, l'espionnage des photos et des vidéos à 13%. Numéro 2. La liste des appels pour savoir qui il ou qui elle a appelé. Ouais. Pour savoir à qui il a été en contact, pour savoir avec qui elle a été en contact. Moi, pour foutre carriole à bout de nerf, des fois, j'efface tout. Ouais, t'as raison, ça c'est bien. Et là, elle me dit, je sais que t'as fait quelque chose de chelou. Et qu'est-ce qu'il consulte le plus? Numéro 1. Classique. Bah, les SMS. Bah oui, les SMS. Bah oui. À 73%. Faites gaffe, hein, si vous faites des trucs pas bien par rapport à votre chérie. Effacez les SMS. Ouais. Effacez tout. On sait jamais. Les Français consultent donc les portables, le leur, mais surtout celui des autres. Et ben voilà, ça fouille. Voilà, c'était le sondage du morning, sondage du jour. Dans un instant, pour nous, 1 500 €. Notre réveil de star aussi aujourd'hui, c'est Taxi, le film dans le réveil de star. Avec le commissaire Gibert. Oui, on retrouve le commissaire Gibert dans Taxi et on vous offrira votre iPhone 7, ce sera à 7h20. Je vous l'annonce tout de suite, on jouera à Info ou Mytho, il est 6h58. Dans une minute, c'est Pitbull et Florida qu'on écoute sur Skyrock avant les infos. Skyrock débarque sur Deezer. Sky. Il t'offre ton abonnement premium plus d'un an. À 10h. À toi la musique gratuite et illimitée en haute qualité audio sur ton mobile, ta tablette et ton ordinateur. Sans publicité. Avec la possibilité de télécharger toute ta musique préférée pour l'écouter hors connexion. Écoute Skyrock à tout moment et gagne toi aussi ton abonnement Deezer Premium Plus. Merci beaucoup. Deezer, la musique que vous voulez. Partout, tout le temps. Skyrock. Retrouve aussi Skyrock en HD sur l'appli radio Skyrock et Skyrock.fm ou à la radio dans ta ville. Nouveau message, urgent, de Bouygues Télécom. Bah je t'écoute. En ce moment, le forfait 4GB et New 20 Go, ouais, est à seulement 9,99€ par mois pendant un an. Waouh, 9,99€? Oui, mais c'est seulement jusqu'au 26 septembre. Tic, tac, tic, tac. Jusqu'au 26 septembre, profitez de la qualité 4G Bouygues Télécom avec le forfait BNU 20 Go à seulement 9,99€ par mois pendant un an au lieu de 24,99€. En exclusivité sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. J'arrive chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€. Et là, un groupe d'hommes habillés en noir m'attrape et me jette dans un taxi. On arrive dans un amphi où plein de profs à lunettes m'attendent pour que je réponde à une question genre « Quel est le sens de la vie ?» Non. Et alors? Bah, tu sais bien que je suis nulle en orientation. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson. Une moyenne frite et une moyenne boisson. Maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, bougez plus. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et juste avant les infos et juste avant les 1 500 €, c'est Pitbull et Florida. Red light, green light. Green lights. Everybody take a shot. Red light, green light. Green light. Give me everything you got. Red light. Mr. 305. Florida and lunch money. Three Miami boys, you know what time it is. Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. Oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. team, I wanna make it ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. I let me jump in between, I'm getting loose in this thing. Like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is, mommy, for you to give me the green light. So I can run through it like an easy pass. Find a G-spot and step on the gas. Give me the green light, cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Pitbull Florida sur Skyrock, 7h02, bonne journée, bon réveil, on est mardi aujourd'hui, on est le 20 septembre, couvrez-vous, il fait pas super beau. Ouais. Oui, et puis prenez un truc pour vous abriter parce que il pleut aussi, ça dépend des endroits, ça mouille. Avec Rémi, mais il y a des endroits où il pleut ce matin. On vous souhaite une belle journée, il pleut de l'argent sur Skyrock tous les matins, c'est tombé il y a une demi-heure. Marie, elle a gagné à Cagnes-sur-Mer. Elle a répondu Skyrock. Bravo. Et oui, bravo Marie. Et quand on répond Skyrock, on gagne 1 500 €. Ah, il y a Léviator qui veut qu'on appelle à Toulouse. Je sais pas où on va aller dans un instant. On va découvrir ça tout de suite après les infos de 7h à 7h03, Rémi. C'est ça, c'est original au moins. Grave. 7h03, l'actu. On va démarrer par la météo pour aujourd'hui. On en parlait. Quel temps va-t-il faire? Eh ben, c'est un temps encore bien couvert au moins ce matin sur une majorité du pays. Le soleil fera de belles apparitions autour de la Méditerranée. Et plus tard, au sud de la Garonne et sur la façade atlantique, des averses par contre sur les côtes de la Manche qui vont se déplacer vers le centre, l'île de France et les frontières du Nord. Les températures comme hier, comprises entre 10 et 18 degrés, 15 en Île-de-France, de 18 à 23 cet après-midi, et entre 24 et 27 dans le sud-est. Et puis la qualité de l'air satisfaisante aujourd'hui, les indices compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 dans les Hauts-de-France, à Paris et à Cannes. Allez, bonne journée, bon réveil et bonne news maintenant. Voici les infos sur Skyrock, les infos et le sport. Une rentrée universitaire qui inquiète parents et élèves. Les facs se remplissent peu à peu et le constat est sans appel. Les universités sont bondées et il devient de plus en plus difficile de travailler dans de bonnes conditions. La rentrée cette année, elle se fera avec 30 000 étudiants en plus et les amphithéâtres, eh bien, risquent d'être remplis. Certains élèves estiment qu'il faudra arriver 30 minutes ou une heure plus tôt pour espérer avoir une place. Le ministère de l'Éducation supérieure donnera une conférence de presse ce matin où cette situation sera évoquée. Un adolescent de 16 ans interpellé hier, il est soupçonné d'être l'un des deux individus à l'origine de la fausse alerte de prise d'otage samedi à Paris. Une façon apparemment de faire du buzz. Le jeune lycéen a été arrêté à Vitry-le-François dans la Marne. Il est en garde à vue à Paris ce matin dans les locaux de la police judiciaire. Son complice est toujours recherché. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve annonce que l'État va se porter partie civile. Manuel Valls demande de son côté de la fermeté. Les deux auteurs risquent jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Un homme interpellé aux États-Unis après des attaques à la bombe à New York et dans le New Jersey, Ahmad Khan Rahami, était recherché depuis ce week-end. L'arrestation a été musclée, les forces de l'ordre ont dû faire usage de leurs armes et le terroriste présumé a été blessé. Des explosifs ont été retrouvés chez lui. L'individu âgé de 28 ans et d'origine afghane avait été naturalisé américain il y a plusieurs années. François Hollande à New York pour parler migration. Les Nations Unies tentent de prendre des engagements, mais certains observateurs parlent déjà de rendez-vous manqué. Aucun objectif chiffré n'a été adopté, faute de réussite pendant les différentes négociations. François Hollande qui a reçu cette nuit le prix de l'homme de l'État de l'année, qui se rendra aussi à Calais lundi prochain. On fait le sport. Ouais. Mais on commence par la Ligue 1, la Ligue de juste derrière, et puis des nouvelles de Schumacher aussi. Ouais, sixième journée de Ligue 1, 2 matchs à l'affiche, Lille-Toulouse à 19h, avant que Paris n'accueille Dijon à 21h. On va bien sûr suivre tout ça dans la Radio Libre. Ce sera sans Atem Ben Arfa, 3 matchs, 3 absences hein, pour l'ancien Niçois. La crise semble d'actualité quand même, il faut pas se mentir, entre la recrue phare du mercato et Unai Emery, mais le coach qui affirme qu'il n'y a aucun bras de fer, il prend simplement les meilleurs. La Ligue 2, on en parlait avec l'ouverture hier de la 8e journée. Strasbourg et le Red Star ne sont pas parvenus à se départager. Score nul et vierge 0-0. 9 matchs au programme ce soir dès 21h. Le Havre-Brest, Nîmes 3, Ajaccio-Auxerre, Lens-Orléans, Tours-Bourg-en-Bresse, Niort-Gazélec, Amiens-Valenciennes, Reims-Clermont-Foot et Laval-Sochaux. Et puis des nouvelles très succinctes et peu rassurantes concernant l'état de Michael Schumacher. Un procès est en cours après les révélations d'un magazine allemand qui avait affirmé il y a quelques mois que l'ex-pilote arrivait à faire quelques pas. La famille de Schumi conserve très secret l'avancée de son état après cette terrible chute de ski il y a quasiment 3 ans. ans, eh bien, un de ses avocats affirme que ce sont de fausses spéculations et que l'ancien pilote ne pouvait toujours pas marcher. Merci Rémi pour les infos. On te retrouve dans une demi-heure pour la suite. Il est 7h06. C'est l'heure de vous offrir 1500 euros tout de suite. Depuis la rentrée, Difool a déjà distribué plus de 30 000 euros en cash. 30 000 euros en 50 000 cash. Ça veut dire, quelle est ta radio préférée? Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. C'est Skyrock. Mais oui, c'est Skyrock. Ouais, c'est gagné. C'est pas vrai. Plus de 30 iPhone 7. Ton iPhone 7, 50. Putain, ça c'est bon ça. Romano a déjà arnaqué des commerçants. Des familles. C'est encore une arnaque ça. Des vendeurs sur le bon coin. Et vous le vendez 50 euros, c'est ce qu'il y a de marqué sur l'annonce. 550 euros. Non, non, bah t'enlèves les 500, tu me le lâches à 50 et puis ça ira bien. Ouais, ouais. Ah bah j'arrive. Et ce n'est que le début. Que le début. 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. Eh, faudrait réactualiser les jingles, les gars. 50 000 euros on a offert. Pas 30 000. Et pas 30 iPhone, on en est à plus de 50, voire même, je ne sais plus combien on en a offert. Plein. 5 000. Ça, si tu veux, Carriol, 5 000. En tout cas, on en a un à vous offrir tout à l'heure à 7h20. On jouera Info Mytho et dans un quart d'heure, vous gagnerez peut-être votre iPhone 7. Il est peut-être pour vous, l'iPhone 7. C'est possible. C'est possible. On vous offre également vos PS4. Il y en a une qui est tombée tout à l'heure. Et puis vos 1500 euros, c'est ce qu'on va vous offrir tout de suite. Les rendez-vous du morning, à pas louper. Nouveau rendez-vous pour les conseils pas chers. C'est à 7h40 le matin. Ouais. Tout à l'heure, le loser ou la loseuse ou le winner ou la winneuse, ce sera à 7h50. Vous aurez droit à votre horoscope de l'amour. Et avant ça, le réveil de star. Aujourd'hui, dans le réveil de star, c'est un film qui s'y colle. L'inspecteur, non, le commissaire. Le commissaire Gibert. Je connais rien en titre de police, moi. Donc, le commissaire, pour moi, c'est comme l'inspecteur. C'est dans Taxi qu'on l'a trouvé, le commissaire Gibert. Ouais, commissaire Gibert. Eh oui, commissaire Gibert. Gibert. Eh oui, Gibert. Gibert de Taxi qui va réveiller les familles de France. On va voir comment ça va se passer dans un instant. Nouveau réveil de star. Mais là, tout de suite, il est 7h08. On n'est pas très, très en avance, mais on va quand même vous offrir 1500 euros. Où est donc passée mon enveloppe? Eh bien, elle est là. Ah, elle est là. Donc, elle est là, je l'ai. Entre tes mains. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. Skyrock. 1500 euros dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant, tout de suite, 1500 euros, c'est parti. Et ouverture de l'enveloppe. C'est ouvert. Il y a une demi-heure, ça tombe à Cagnes-sur-Mer chez Marie. Et là, on va où? Et là, on remonte du côté de Lyon. Et on remonte du côté de Lyon. Et on va chez Cindy. Cindy Spat. Cindy Spat. Un Spat, yeah. Allez, c'est parti chez Cindy. Cindy Spat à Lyon. On voulait demander quelle est sa radio préférée. Vous connaissez la réponse, c'est Skyrock. Skyrock. 1500 euros au bout du coup de fil. Cindy Spat. Faut répondre avant la cinquième sonnerie. J'ai compté, on en est à trois, mais ça répond. Allô, allô. Allô. Bonjour Madame Spat. Oui. Bonjour Madame Spat. Vous êtes Cindy, vous? Oui. Oui. Nous, c'est la radio, Cindy. On est en direct à la radio. Salut, oui. Cindy. Salut, Cindy. Bonjour. Bonjour, Cindy. On t'a tiré au sort ce matin. C'est pour t'offrir 1500 euros, Cindy. Ah bah cool. Bah c'est plutôt pas mal, ouais. Il faut ouais. Juste maintenant passer par une petite formalité. Il faut répondre à une question, Cindy. Mm-hmm. On va te demander quelle est ta radio préférée. Si tu as la bonne radio. Non. C'était Skyrock, Cindy. Ah merde. Bah oui. Ah oui, merde. Et bah ouais, la seule radio qui offre 1500 euros toutes les demi-heures, c'est Skyrock, Cindy. Skyrock. Ah bah pas de bol. Bah pas de bol, dis donc. C'est lequel de... Ah, je te sentais bien, t'avais une jolie voix, je me suis dit, elle va ouais, gagner. Ouais, ouais, je sais, bah ouais. Bah je sais en plus. Ah, je sais, ouais, grave, j'ai une belle voix. Bon, Cindy, désolé, tu sauras pour la prochaine fois. Le réflexe, c'est Skyrock et c'est 1500 euros dans la poche, ok? Eh ben ça marche, désolé les gars. On te dit. Salut Cindy. Ciao. Salut. Elle était sympa cette Cindy. Ah ouais. Hein. Ouais, sympa, elle nous a fait économiser 1500 euros. Oui, c'est vrai. Ah ben moi, je l'embrasse très fort. Eh bien, on lui fait un gros bisou à Cindy. On embrasse Marie qui, elle, a gagné 1500 euros. Et peut-être vous, dans moins d'une demi-heure, 1500 euros à gagner. On recommence à 7h30. Vous répondez Skyrock et c'est dans la poche. Le morning de Difool sur Skyrock. Le morning qui fait. Non, putain, non, je suis refait là. Il réveille, il réveille. Et il y a Cindy, une autre, qui nous dit, mais vous vous êtes trompé de Cindy. Voilà. Moi, j'aurais eu la bonne réponse. Ah merde. Ouais, pour la prochaine fois, Cindy, t'inquiète. Un jour, ça arrive. Hein. 1500 euros, c'est sur Sky. Et Ken Jones, sur Skyrock aussi. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter the me, to me. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She Say she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, fuck he gon' say, hey. Telling me this, and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter the me, the me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her. But she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter the me, the me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. C'est bien ça, hein. C'était Ken Jones, une découverte Skyrock. On écoutait le son qui s'appelle Don't Mind. Il est 7h13, ouais. C'est l'heure de se réveiller avec des stars. Et alors là, attention, on tape dans la star du cinéma avec un film star qui est repassé hier à la télé sur TMC. Ouais. Taxi 2. Il y en a eu 1, 2, 3, 4 des taxis, on en parlait tout à l'heure là. Taxi 2 et l'inspecteur, comment s'appelle-t-il? Gibert. Ah non, Gibert. Le commissaire, pardon. C'est le commissaire Gibert. Commissaire Gibert, l'inspecteur c'est Derek, c'est ça? C'est ça, ou inspecteur Gadget. Aussi Gadget, ah oui c'est vrai, il y a Gadget aussi. Commissaire Gibert. Allez, commissaire Gibert qui réveille les familles de France. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Alors, comment les Français réagissent quand ils sont réveillés par une star du cinéma? C'est pas n'importe qui. Et une star de la police. Et c'est quand même le commissaire Gibert. C'est quand même pas n'importe qui, le commissaire Gibert qui va bosser ce matin. Je fais mon travail, Emilien. Oui, je fais mon travail, Emilien. Pourquoi on m'appelle Emilien d'ailleurs? Je sais pas. Ah, c'est peut-être parce qu'on va appeler un Emilien. Mais c'est pour ça. Ah, on appelle qui? Emilien! D'accord! C'est ça. Très bien, c'est Emilien qu'on va appeler. Petit coup de fil à Emilien, c'est parti pour le réveil de star. Comment vont-il réagir les Français réveillés par Emilien? Réveillés par le commissaire Gibert. Allô? Ouais. Allô? Oui. Ici Gibert. Vous voulez parler à qui, monsieur? Emilien! Bah oui, c'est qui? Vous êtes qui, monsieur Gibert? Je vous connais pas, moi. Commissaire Gibert? Je vous connais pas. Entendez ou quoi? Très faiblement. Vous êtes sourd, Emilien? Ouais, mais je sais pas qui vous êtes, donc vous allez pas me faire chier longtemps. Ah, vous êtes vraiment une belle bande d'abrutis. Ouais, la bande d'abrutis, on va voir, viens un coup devant la maison, tu vas voir ce que va te faire la bande d'abrutis. Je fais mon travail, Emilien. Ouais, tu fais ton travail, ouais. Est-ce que je me suis bien fait compris? Non, mais tu me parles autrement, que tu t'es bien fait compris ou pas fait comprendre, moi je te connais pas, alors tu vas pas commencer à m'emmerder. Enfin bref, c'est du passé. L'avenir nous appartient, et nous en ferons ce qu'on a décidé qu'on en ferait. Voilà. Demain, dès aujourd'hui. C'est beau. Magnifique. Ouais, tu t'en feras l'avenir et t'as envie de... Mais c'est quoi ça? T'as fumé quoi là? Vous pourriez la noter celle-là, parce qu'elle est bien. Ça reste encore un peu lourd, c'est vrai, mais elle est pas mal je trouve. Ça c'est strictement rien, non? Oh. J'ai pas envie de me laisser s'emmerder longtemps comme ça, quoi. C'est ça quoi, le problème. Allô? Emilien! Non, c'est Thierry. Hein? C'est qui? Commissaire Gibert. Commissaire Gilbert. Voilà, je sens qu'il va nous dire une connerie là. Eh ben, commissaire Gilbert, il peut aller se faire enculer. D'accord, vous l'avez dit. On l'avait senti. Salut. Changez de canal pour dire vos cochonneries, non? Oui, on avait senti que le va te faire enculer n'allait pas tarder. Ouais, hein. Ça y est, il est arrivé. Hein. Oui, c'était Emilien et derrière le fils d'Emilien. Thierry. Ouais, et ben on a décidé de les rappeler tous les deux. Bah oui, quand même, ça se passait si bien. Ah bah ça se passait si bien, le contact était établi. Commissaire Gibert de taxi et Emilien et la famille. Ça y est, t'as fini de te faire enculer? 24 heures sur 24! Ouais, 24 sur 24, c'est pas mal, hein. C'est fou, ça, hein. Ouais, ouais. Ça t'a fait du bien? Cochonne? Qui ça? You. Ta femme? Ah, je sais pas. Alors, je vous le dis tout de go. Ouais, tout de go, ouais. Bon, arrêtez vos conneries maintenant. Bah ouais, non, je vais arrêter mes conneries, mais bien sûr, je vais arrêter mes conneries. T'as qu'à me donner ton numéro, je vais t'appeler comme toi tu m'appelles. Quelle belle langue vous avez, hein. Ouais, t'as une belle langue, toi t'as une belle tête, ouais. Je mangerai un âne. Un âne? Manger un âne? Mais mange une autruche. Bon, attends, un grand coup, faut te faire enculer, comme ça la bite, elle sera plus longue, elle passera mieux dans ta gorge, au fond. Ça, elle est pas mal celle-là, hein. Tu veux, j'en ai encore plein d'autres. Allez, mais il faut assister un peu plus longtemps. C'est pas drôle du tout, ça. Vous savez, il y a des fois, ça crispe, hein. Ouais, ouais, c'est terrible, hein. On manque de moyens, cruellement. Bon, allez, écoute, je vais raccrocher parce que tu commences à me casser les couilles, là, hein. Hein? Allez, salut. Ah bah lui, il était super. Ah bah ouais. Ce coup-ci, il a raccroché. Merci Emilien. Emilien, le roi de la punchline. Ah ouais, avec son autruche là, t'as le coup plus long pour te faire enculer. Ça, c'était parfait, ouais. Ça, t'es beau. Emilien est bloqué là-dessus. C'est un poète. Oh, merci Emilien. On remercie le commissaire Gibert qui sera peut-être de retour avant 9h dans le morning pour le réveil de Star. C'est taxi, ouais. Ouais, c'est taxi. 7h17. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Oh, et ça, c'est bien, ça, c'est DJ Snake, non? Ouais. Ah, you know you like it, tes souvenirs, comme ça, sur Sky. Some people want me to be heads or tails. I say no way, try again another day. I should be happy, not tipping the scales. I just won't play, letting my life get away. I'm no fool. Sur Skyrock avec You Know You Like It à 7h20 pile, bah ouais, on est à l'heure. Et à l'heure pour jouer à Info Mytho, ça veut dire que vous allez gagner maintenant votre iPhone 7, l'iPhone 7, on vous le file tous les matins dans le morning. Ouais. Et bah j'en ai un pour vous maintenant, vous allez jouer avec nous, il faut d'abord passer la question de sélection. Voici l'info que je vais vous donner. On file au Japon ce matin pour Info Mytho. Direction le Japon. Bonjour. Bonjour les Japonais. Bonjour. Et l'info du jour que je voulais vous donner, c'est sur nos amis japonais, nos japonaises également. Ça concerne tous les Japonais. Le gouvernement japonais est inquiet, il est très inquiet car il s'est rendu compte que 40% des Japonais, même plus de 40% des Japonais de 18 à 34 ans, sucent encore leur pouce. Ah ouais, quand même. Eh ouais.

Leclerc. Le 27 septembre, la plus belle des foires au vin de France s'installe chez Leclerc, le créateur de la foire au vin. À partir du 27 septembre, retrouvez la foire au vin chez Leclerc et sur le site foireauvin.leclerc avec une sélection des meilleurs vins et des incroyables. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. 7h26 sur Skyrock, c'est l'heure de jouer Info ou Mytho maintenant. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et je vous dis Konnichiwa ce matin. Konnichiwa. Oui, parce qu'on est au Japon, si vous venez de vous réveiller, on parle du Japon ce matin et le gouvernement japonais est inquiet. Des chiffres qui font peur, plus de 40% des Japonais de 18 à 34 ans suceraient encore leur pouce, c'est l'info que je vous ai donnée. Romano, tu as sucé ton pouce très très tard jusqu'à l'âge de 20 ans, d'ailleurs il a un... 20 ou 21. 21, ouais. Il a un pouce qui est tout atrophié. Bah ouais, j'ai un pouce de vieux. Ouais. Mais pourquoi tu te suçais le pouce? Ah putain, j'adorais. Mais d'où venait cette envie irrépressible de sucer? Bah non, mais c'est Carriole qui m'empêchait. Parce que les premières nuits, je suçais mon pouce avec j'avais un nanin. Ah bah attends, tu sais Romano, je serais ta meuf, je t'empêcherais de sucer n'importe quoi aussi. Ouais, parce non mais la gueule. Tu sais, elle a fait la mégère, elle fait... Moi, je te préviens, avec moi, ça n'a pas duré longtemps, ton cirque. Non, voilà. Mais tu suces pas ton pouce à 20 ans, quoi. Eh ben, chez les Japonais, 40% suceraient leur pouce. Info, mytho, on a Kevin en direct avec nous. J'avais besoin de tendresse. À Vanves. Salut, Kevin. Salut, ça va? Et toi, bien, Kevin? Ça va, la paix. Eh ben, écoute, ça va aussi. La réponse, c'est info ou c'est mytho, alors? Mytho. C'est un mytho, mais oui, le gouvernement est inquiet pour autre chose au Japon. C'est parce qu'il y a 42% des hommes de 18 à 34 ans et 44% des femmes de 18 à 34 ans aussi qui sont encore vierges. Les Japonais, ils sont tout puceaux. Ben ouais, c'est bizarre, ouais. Konnichiwa. Mais ils ont peut-être pas la place, parce qu'ils ont là-bas, ils ont des apparts tout petits. Bah tout. Justement, t'es les uns sur les autres, tu baisses tout le temps, tu fais des partouzes, des trucs comme ça. Enfin bon, écoutez, ouais, je sais pas, j'en donne des idées aux Japonais. Hein. Ouais, il va falloir s'y mettre quand même. Donc le gouvernement s'inquiète, il s'inquiète pour ça, et il annonce des mesures pour faire plus d'enfants. Voilà, il va y avoir une prime si tu baises. Oui, une prime si tu baises. Bon, Kevin, tu vas jouer avec nous maintenant, c'est info ou mytho? Info ou mytho? Qui dit vrai? Qui dit faux? À toi de détecter le mytho. Eh ouais, ça sera ou Carriole ou Romano, ouais. Les deux grands journalistes du morning. Voici les infos. Écoute bien Romano. Tiens, on commence par Romano, Kevin. Alors moi, l'histoire se passe dans le Cher à Bourges. Oui, Bourges et Cher. Un jeune homme de 22 ans sortait de la discothèque Le Canari. Oh, cucuit. Et le mec, en fait, il est allé devant une boulangerie, devant la vitrine. Mmh. Il a déballé le matos et a commencé à se masturber. Oh, comme c'est mignon. Et la boulangère était là ou pas? Elle était là. Il y avait les employés. Il y avait les employés. Ouais. Donc le mec... Salut les boulangers qui nous écoutaient. Le mec s'est fait arrêter. Et quand même, l'excuse qu'il a trouvé, c'est... Bon, déjà, dans un premier temps, il ne se souvenait absolument pas parce qu'il était bourré comme un coin. Et après, il a dit, ouais, des fois, je me gratte l'entrejambe parce que j'ai de l'eczéma. C'est ça. Info ou mytho? Ça, c'est l'info de Romano. T'as bien noté, Kevin? Ouais, c'est bon. Écoute bien Carriole maintenant. Moi, ça se passe en Angleterre. Oui. C'est une jeune fille qui s'est fait filmer par des voisins dans un bois. Oui. Alors qu'elle était en train de tourner un film porno. Ah. Donc les voisins tournaient le film, en fait. Ah ouais, donc ils tournaient le tournage du film porno. C'est ça, c'est ça. Donc elle s'est fait choper en train de tourner un porno sur un arbre. C'est très. Sur un arbre perché. Tenant dans son bec un fromage. Non, pas un fromage. Un renard à l'odeur, machin. Ouais, ouais, ouais. Alors, qui dit vrai, qui dit faux, Kevin? Carriole et le porno, ou alors Romano? Et le mec qui se masturbe devant la boulangerie. Je sais pas comment le dire, mais c'est ça. Alors, Kevin. Moi, je dis Romano, mytho et Carriole info. Romano, mytho, Carriole info. Moi, j'aurais dit l'inverse, parce que je sens Romano assez renseigné sur la petite info. Mais enfin, bon, je suis un expert aussi, on le fait tous les matins. Ah bah ouais, Difool, t'as gagné. Ouais. Bon, par contre, mauvaise nouvelle. Ah, Kevin, il a perdu. Bah, du coup, Kevin, c'est pas bon. Ouais, parce que moi, c'était vrai, ouais. Ah bah ouais, c'était vrai, Romano. Donc, faites gaffe. Les deux boulangers sont formels et ils ont vu le jeune homme... Et ils ont vu les attributs du jeune homme, c'est ce qu'ils ont dit au journal. Ils ont vu ses attributs. Et donc, pas de film porno dans les parcs. Elle s'est fait filmer en train de prendre des selfies de ses fesses. Ah, elle prenait des selfies de ses fesses. Ah ouais, elle a baissé le pantalon et tout. À self-fesses, ça s'appelle. Bah ouais, mais ça, c'est quand t'as une tête de cul, hein. T'es ouais, obligé c'est de ça, ouais. Des selfies de tes fesses, c'est comme ça. Bon, ben voilà, Kevin. Désolé en tout cas pour l'iPhone 7. Mais Kevin, tu ne repars pas sans rien. On va t'offrir le nouveau FIFA qui sort dans une semaine et demie à peu près, je crois. Hein. Le nouveau FIFA, il est pour toi si t'aimes les jeux de foot. Ah, c'est bien, c'est pour toi. Pas pour moi. Ah, bah, merci. C'est bien. Bah, ça roule. Et on t'offre le t-shirt Skyrock, on t'envoie aussi à la maison, Kevin. Et tu reviens quand tu merci veux. L'équipe. Salut, merci, Kevin. Merci, l'équipe. Ciao. Et à salut. Ah, bah, oui, tu peux revenir en plus quand tu veux. Et dans un instant, on revient avec 1500 euros dans la poche après le son du panda sur Skyrock. Panda. Ouais, à 7h30. Et la première radio urbaine mondiale a découvert ce son. C'est sur Skyrock. Brrra. On l'a découvert. Brrra. C'est Designer et Panda sur Sky. I got broads in Atlanta. Shit to the me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacies, family. Wait and see, family. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then the pull of your panda. Hope killers understand it. I got broads in Atlanta. Twisted to me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Why is it family? Packers full, Danny. Saddlebo, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then the pull of your panda. Hope killers understand it. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I got broads in Atlanta. Twisted to me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy. Family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy. Family. Why is it panda? Packers full. Danny. Selling ball. Candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then they can pull up your band. Hope the killers understand me. Ah, il a raison, Amaro. C'est du lourd comme son, Panda. Bah oui, super, Panda. Ah, il y a Sofiane, 14 ans, qui s'inscrit pour les 1500 euros. J'espère que ce sera pour toi. On y va pour les 1500 euros dans un instant. Ouais. Et à 7h32, Romano, il se prépare pour ses conseils pas chers. Ouais, conseils pas chers. Est-ce que vos parents vous ont déjà fait faire des trucs qui vous ont fait chier quand vous étiez plus jeune? Ah bah oui. Par exemple faire ses devoirs. Non, mais pas, plus des trucs de savoir-vivre. Enlève les coudes de la table. Enlève les coudes de la table. Tiens-toi à droite pour manger. Oh, je pense que tout le monde l'a entendu, ça. Ouais. C'est clair. Et là, j'ai un truc que je vais proposer au bahut. Ah. Pour faire régner l'ordre un peu. Donc on file au bahut dans un instant. Ouais, ouais, ouais. Si vous voulez qu'on aille dans votre bahut, d'ailleurs, laissez-nous les numéros là, 41-759. Et sur l'appli Skyrock, vous pouvez nous laisser tout ça tout au long de la matinée. D'ailleurs, dès que vous avez un truc à dire, vous allez au 41-759 et sur l'appli. Ou alors vous nous appelez au 01-53-40-30-20. Vous tombez sur Carriole, ouais. Et ça, c'est grave de la chance. Waouh, et sur Karim, là, c'est grave pas de chance. Et sur Karim, c'est vrai. Allez, les infos à 7h33, on y va. C'est parti, Rémi, pour la météo pour aujourd'hui. Ouais, bah encore un temps couvert, hein, au moins ce matin, sur une majorité. Du pays. Le soleil fera de belles apparitions autour de la Méditerranée, plus tard au sud de la Garonne et sur la façade atlantique. Par contre, des averses sur les côtes de la Manche qui vont se décaler au fil des heures vers le centre, l'île de France et les frontières du Nord. Les températures comme hier, comprises entre 10 et 18 ce matin avec 15 en région parisienne, de 18 à 23 cet après-midi et entre 24 et 27 dans le sud-est. La qualité de l'air satisfaisante aujourd'hui, les indices compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 dans les Hauts-de-France, à Paris et à Cannes. Et l'actu en 2 minutes, vous allez tout savoir. L'actu et le sport sur Sky. Et un adolescent de 16 ans interpellé hier, il est soupçonné d'avoir d'être l'un des deux individus à l'origine de la fausse alerte de prise d'otage samedi à Paris. Une façon de faire du buzz. Le jeune lycéen a été arrêté dans son établissement à Vitry-le-François dans la Marne. Il est en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Paris ce matin. Son complice est toujours recherché. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a annoncé que l'État se portera partie civile. Manuel Valls, de son côté, demande des sanctions exemplaires. Il est vrai que les deux auteurs risquent gros, hein, puisqu'ils encourent 2 ans de prison au maximum et 30 000 euros d'amende. Jacques Chirac, toujours hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière de Paris. L'ex-président de 83 ans a été admis pour une infection pulmonaire. Certains de ses proches se distinguaient dans Le Parisien ce matin. Il confesse que l'ancien chef de l'État est très diminué depuis la mort de sa fille Laurence et qu'il n'a plus envie de se battre. Un homme de 35 ans grièvement blessé à Marseille hier. L'individu a été visé par des tirs mais son pronostic vital n'est pas engagé. Il était récemment sorti de prison et portait un bracelet électronique. Un dramatique fait divers dans l'Aube. Une mère a tué son fils âgé de 5 ans. La petite victime a été noyée et la mère a également tué son chien avant de tenter de mettre fin à ses jours. Elle n'a aucun antécédent judiciaire mais d'importants problèmes d'argent. Elle s'est rendue d'elle-même à la police et sera mise en examen dans la journée. Un choix qui fait parler, qui est loin de faire l'unanimité. W9 a décidé de censurer le clip de Je suis chez moi, chanté, vous le savez, par Black M. Le rappeur parisien y porte un t-shirt en soutien à Adama Traoré. La chaîne a estimé que l'affaire était sensible et en pleine procédure. Du coup, elle a préféré rester neutre et flouter le t-shirt de l'artiste. Adama Traoré est mort en juillet dernier alors qu'il venait d'être interpellé dans le Val d'Oise. On parle sport maintenant avec les deux matchs de Ligue 1 de ce soir. Ouais, début de la 6e journée, 2 matchs à l'affiche, Lille-Toulouse à 19h avant que Paris n'accueille Dijon à 21h. On va suivre tout ça ensemble dans la Radio Libre. Ce sera un troisième match sans Ben Arfa. Ça commence à être compliqué là. La crise est vraiment d'actualité entre la recrue phare du Mercato et Unai Emery. Mais alors le coach lui reste droit dans ses bottes. Il affirme qu'il n'y a aucun problème, aucun bras de fer. Il prend simplement les meilleurs joueurs, ceux qu'il estime en tout cas être les meilleurs en ce moment. Voilà, en gros, t'es nul. Qu'il est mauvais, c'est Ben Arfa. Qui est mauvais, regardez comme il joue mal. Mais là, ça fait combien de temps qu'il a pas joué? Trois matchs. Bah ouais, trois matchs, pauvre. Mais là, il y avait un auditeur qui nous disait qu'il avait regardé des vidéos de l'entraînement du PSG, qu'a priori, il en foutait pas une, Ben Arfa. Ouais, il est lent un peu, ouais. Ah ouais? Ouais, a priori, il s'entraîne pas à fond et tout ça, et ça plaît pas. Bah si l'autre l'aime pas aussi, t'as pas envie de bosser. Rappelle-toi, si t'avais des profs qui t'aimaient pas, Romano, tu travaillais pas. Tu vas me dire même quand ils t'aimaient. Ouais, non, mais ouais, moi je foutais rien. Mais... Ah d'accord, ok. Il y a une période, quoi. Ah, à un moment, je travaillais très bien. Mais là, faut qu'ils se battent, c'est rien. Vas-y, Atem, bats-toi. On s'en fout du coach. Vas-y, déchire-toi. Ouais. Bats-toi. Ah, tu t'en fous du coach, c'est quand même lui qui te choisit. Mais coach, il dit, tu vas pas sur le terrain, tu vas pas y aller, tu vas pas arriver. Salut, je viens jouer un peu. Salut, c'est Atem, j'arrive. Merci Rémi, les infos, le prochain rendez-vous dans une demi-heure. Il est 7h36 sur Sky. En direct de l'appart. The Morning Show. C'est le morning de Default sur Skyrock. The Morning Show. Et à qui on va offrir 1500 euros ce matin? Bah, on va voir qui est dans l'enveloppe. Bah, on a déjà offert 1500 euros en plus tout à l'heure. C'est tombé à Cagnes-sur-Mer il y a une heure. Chez Marie, comme quoi il faut se lever tôt, hein. Ouais. Pour gagner 1500 euros. Entre 6h et 9h, toutes les demi-heures, Skyrock vous file 1500 euros. J'ai l'enveloppe entre les mains. On va s'en occuper. Et dites-nous quels sont les trucs que vos parents, c'est ça que tu voulais savoir, Romano. Ouais, c'est ça, ouais. Que vos parents vous obligeaient à faire, des trucs à la con, des espèces de... Par exemple, marcher avec un balai pour vous tenir droit. Marcher avec un balai dans le dos. Ou dans le cul. C'est de la torture, là. C'est mieux. Ah bah là, c'est pas de la torture, c'est du plaisir, Cariole. Ouais, ou marcher avec un livre sur la tête, c'est pour te tenir bien droit, tout ça, quoi. Se laver les dents après chaque repas, marcher avec un balai, ouais, c'est ça, ouais. Et bah dites-nous, faites-nous signe, on y revient tout de suite avec... Et direction les bahuts pour les conseils pas chers. Avec un truc que tu veux mettre en place dans les bahuts pour gagner de l'argent. Hein. Bien sûr, bien sûr. Dans les conseils pas chers, vous le savez, c'est pour gagner des sous tous les matins. L'horoscope de l'amour arrive dans 10 minutes et puis on fera le top lose, top win du jour. On verra si on a un loser ou une loseuse aujourd'hui. Ou un winner ou une winneuse. À retrouver avant 8h, tout ça. Et du son pour se réveiller, du soprano, les 21 Pilots qui arrivent tout de suite, un petit Justin Timberlake, et tout de suite, un gros chèque de 1500 euros. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. 1500 euros dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant, 1500 euros pour vous, c'est parti. C'est ouvert et je sais où on va aller. On va aller dans le nord. Bah, c'est bien, on était dans le sud tout à l'heure à Cagnes. Ah, dans le nord. Hein. On était sur la Côte d'Azur et là on file à Marquette en Ostrevent. Ça se trouve dans le 59. Ah, Marquette en Ostrevent. Et c'est parti du côté de Marquette et on va chez Yannick Lesure. 1500 euros pour les Lesure ce matin. J'espère que ça va tomber chez Yannick. Bonne chance. Ça sonne, hein. Et ça sonne dans le nord. C'est bien parce que tu traduis en nordiste tout ce que je dis, c'est bien. Ah, si, j'ai chat. Allô, allô, monsieur Lesure. Oui. On vous entend pas, monsieur Lesure, faut parler dans le téléphone. Oui. Ah, parle dans le bignou, ah. Parle dans le bignou, ah. Yannick, c'est traduit, toi. Hein. Oui. Oui, on est en direct à la radio, Yannick. Oui, donc. Ah, comment ça va-t-il, ma biloute? Ça va et vous? Ah, ça va bien. Ça va bien. Toi, tu vas aller peut-être super bien dans un instant parce qu'on t'appelle pour t'offrir 1500 euros, Yannick. Ah, c'est bon, ça. Ah. On va te demander quelle est ta radio préférée. Si t'as la bonne, tu gagnes 1500 euros, Yannick. Donc, je vais dire Skyrock. Et tu dis bien, Yannick, tu viens de gagner en direct à 7h38 sur Skyrock. Bien joué. 1500 euros, Yannick. Bravo. Numéro 1, tu es pas le nu. Tu es le number one. Bravo, numéro Yannick. Numéro 1, ah ouais. 1500 euros pour toi, félicitations. Oui. Bravo, bien joué. 1500 euros, ça tombe à Marquette, en Ostrevent, c'est à côté de Douai, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est ça, à côté de Douai. Et ben voilà, ça écoute Skyrock à fond la caisse du côté de Douai. Et c'est bien, tu viens de gagner 1500 euros. Félicitations. Tu fais quoi dans la vie, Yannick? Ambulancier. Ambulancier, très bien. Ah, papon, ah. J'espère qu'on se rencontrera pas dans l'ambulance. Papon, ambulance. Et tu vas faire quoi avec tes 1500 euros? Ah, je sais pas, j'irai bien. Vous inquiétez pas, on j'irai bien. Ah, on est bien dans le nord, ça fait plaisir. Bravo Yannick, 1500 euros qu'on t'envoie très très vite à la maison. Et puis c'est pas fini, hein, encore d'autres rendez-vous pour les 1500 euros dans une demi-heure par exemple. Hein. Vous aussi, vous faites comme Yannick et vous répondez Skyrock et c'est dans la poche. Tu quittes pas Yannick, on prend tes coordonnées, on t'envoie très très vite à la maison. D'accord, merci, au revoir. Et au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah Yannick, le bon ordi, ça fait plaisir. 1500 c'est bien, euros. Bien joué. On recommence tout à l'heure, on écoute les 21 Pilots, c'est juste après. Les conseils pas chers, on file au bahut. Merci pour les numéros de bahut que vous nous donnez. C'est bon, on a ce qu'il faut. Ouais, on va peut-être. Oh, vous pouvez continuer si vous voulez. Oui, hein. Oui, oui. On va peut-être aller dans votre bahut là, dans un instant, c'est sur Sky. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Oh putain, vous déchirez Skyrock. Dès le réveil, dès le réveil. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. You, that's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Time on my ride. Ride sur Skyrock à 7h43 et on vous a demandé ce que vos parents vous obligeaient à faire, les trucs stricts que vous étiez obligés de faire quand vous étiez petit. Alors, qu'est-ce que vous nous avez laissé? J'étais obligé de me laver les dents après tous les repas. Ah bah tiens, on en parlait tout à l'heure là. Ouais, mais ça, moi, putain, mes parents. C'est le chinois qui nous laisse un message. Plus me le dire, moi, à cause de ces conneries, j'en ai perdu 13 à pas me laver les dents. Toi, tu te laves toujours pas, hein? Si, je me les lave. Pas tous les jours. Bah, si, bon, des fois le week-end, j'oublie. Moi, je balance aussi. Carriole, ce week-end, c'est pas lavé. Oh, oh. Mais c'est pas possible. C'est pas vrai, je me suis lavé dimanche matin. Dimanche matin? Bah oui. Ouais, c'est bien de dire ça. J'étais pas là à ce moment-là. Tiens, mes parents me saoulent souvent quand ils veulent toujours que je mette mes écouteurs quand j'écoute de la musique. Ah ouais, t'as pas le droit d'écouter de la musique fort dans ta chambre, ça les énerve. Ah, mais ça, tu sais ce que tu leur dis, je vais devenir sourd. C'est bien ça, ouais, pas mal. Sinon, toujours lire avant de dormir, c'est ce qu'on m'obligeait à faire mes parents. Le message de Clara, 19 ans. Lire avant de dormir. Écoutez, l'autre qui fait l'intello, qui se prend pour. Non, c'est très bien. Qui se prend pour un mec intelligent. Ah ouais. Alors qu'il est con comme une biche. Non, mais c'est très bien quand même. Ah ben c'est ça. Ma mère m'interdisait de mettre le pain à l'envers pour Sabrina. Ah ouais, mais ça moi j'aime pas non plus. Ah pourquoi? Ça porte malheur. Ouais, c'est vrai, ça porte malheur. Bah moi, c'est comme les chaussures sur la table, c'est signe de dispute. Non, mais c'est surtout dégueulasse. Non, mais c'est aussi vrai. Si tu arrives chez moi, Romano, que tu mets tes chaussures sur ma table, on risque de s'embrouiller parce que c'est sale. Non, mais par exemple, quand t'achètes des pompes, il faut jamais les déballer genre sur la table et les mettre sur la table, c'est signe de dispute. Alors moi, j'avais un truc aussi quand j'avais acheté un habit le vendredi, ma mère elle voulait pas que je le mette le vendredi parce que ça porte malheur. Bah vous êtes complètement taré. Il y avait aussi le pain à l'envers. Le pain vient de le dire. Ouais, mais on vient de le dire. C'est qu'en plus d'être con, il a Alzheimer. C'est Rémi des infos, hein, si vous ne le connaissez pas encore. Putain, vous êtes des nouveaux auditeurs, des nouvelles auditrices de Skyrock. Putain, on a chopé un champion. On a vraiment pris les meilleurs pour vous le matin. Mais je parle pas avec vous. Ah bah écoute, tant mieux. Ça va nous faire un peu de repos. C'est pas mal. Moi, ma mère m'obligeait d'aller au pied au collège. Pourquoi? Parce que ça fait du sport. C'est Bichette qui nous envoie un message. Non, mais vous allez voir, ça c'est de la gnognotte. Parce qu'en Chine, les enfants, alors c'est un truc qui est lancé dans les écoles. Ils installent des espèces de barres de fer sur la table. Comme ça, les enfants, ils peuvent pas se pencher en avant. Et du coup, ils ont pas de scoliose, de trucs comme ça. Ils sont obligés de se tenir droit. C'est comme dans la chenille, sauf que c'est au niveau du cou que ça arrive. Ouais, c'est ça. Bah, en gros, si tu te penches trop, tu t'étrangles. C'est ça. C'est bien. Oui, c'est vrai, c'est comme les trucs qu'ils mettent dans les chenilles. Ouais, c'est ça, les espèces de barres. Sauf que la barre est montée sur la table. Du coup, l'enfant ne peut pas se pencher en avant. Mmh. Donc, pas de problème de dos. Et il se penche pas trop vers la feuille. Pas de problème Dieu non plus. On va vous mettre tout ça sur les réseaux. Vous allez voir les petits chinois avec leur instrument de torture au bahut. C'est des tout petits chinois. Hein. Ah ouais, ouais. Et vous verrez sur la photo, a priori, il n'y a pas de chauffage non plus. La salle de classe, ils sont tous en anorak. Oui. Et en tout. Ouais, mais ils seront droits au moins. Ah ouais, super. Allez, on y va pour les conseils pas chers. Ouais. Quelle est ton idée pour gagner des sous? Diffoul, tu vas faire mon fils. Oh. Parce que tu fais extrêmement jeune. Oui, c'est vrai. Et t'as extrêmement vieux. Hier, on m'a dit d'ailleurs dans la radio libre que j'avais une tête de bébé. Ouais. Oh, c'est vrai ça. Et comme quand on leur raconte des conneries. Qui t'a menti? Et donc, je vais me plaindre au niveau de l'école parce qu'ils n'ont pas les barres et du coup, t'es tout bossu. C'est pourri. Pourquoi moi je veux faire le bossu? Pourquoi tu fais pas, parce que t'es mon fils. Pourquoi tu fais pas carriole ta fille? Non, c'est toi, t'es mon fils. Bon, allez, c'est parti. Je fais un effort, on y va quand même. Allez. Allez, c'est parti. Tu gères ton portefeuille? Regarde dans les poches de Romano. Les conseils pas chers sur Skyrock. Tu regardes dans les poches de Romano. Et je vais demander, bien sûr, un dédommagement financier. T'es tout atrophié physiquement. Je suis pas atrophié physiquement. Non, mais tu ne fais pas foirer. Sorry. But you do not have access to this service or number. On appelle en France, ça ira. Ouais. Et l'anglais, je maîtrise moyen à 7h46. Les BU de France sont de plus en plus modernes, ils parlent anglais maintenant. Ouais. Yeah, welcome to France. Ah, yeah, welcome to BU. Là, on va au lycée de l'enfant de Jésus. C'est bien. Lycée de l'enfant Jésus. C'est parti. Ah bah là-bas, il y a un bossu, c'est dit fou. Sois gentil, Romano, avec l'enfant Jésus. C'est parti. Merci pour tous les numéros de BU que vous nous avez laissés. Je vous rassure, même si on les appelle pas tous ce matin parce qu'on n'aura pas le temps, on en fera bon usage. Rassurez-vous. Ça sonne. C'est ouvert les bahuts à 7h47, bah oui. Bah il y a pas de grève aujourd'hui. Non, il y a pas de grève. Non. Bah donc c'est que c'est... oui, ça doit être ouvert. Sinon il y a un problème de réveil. Ah bah tiens, j'ai un bon téléphone. Allô. Allô. Nous sommes. Au... Non. Oula. L'enfant Jésus a des parasites. Ouais. Ouais. Il y a des flatulences. On est parasité au niveau de l'enfant Jésus là ce matin. Je peux peut-être raccrocher le téléphone. Karim, ouais. tu fais quoi à part de la merde? Je crois que le standard a bugué en fait. Regarde. Hein? Ah ouais, le standard il bug, oui, non mais je confirme. Putain, on a une équipe. Ah ouais, si, je confirme. On a des champions du monde. Le standard, on dirait un sapin de Noël qui clignote dans tous les sens. Ouais, mais par contre, moi c'est m'ennuie de ne pas pouvoir. Hey, je suis content. De ne pas. Ben tu vas rester bossu. Allez, coupe le. Ben je coupe. Bon, voilà, le standard a bugué. Vous savez, ils vont nous dire encore. Oui, c'est parce qu'il y a trop d'appels, c'est les auditeurs, ils ont cassé le standard. Oui, mais là, c'est nous qui appelons, là. Oui, mais bon, c'est sur le même, Robado. Ouais, sais. C'est vrai en même temps. Donc appelez si vous voulez faire péter le standard encore plus que ça. 01 53 40 30 20. Il a vraiment bugué, vas-y, remets un peu le son, Romano. Ouais, ça a bugué, Eh ouais, le standard a bugué. Bon, allez, je lance opération, on détruit le standard. 01 53 40 30 20. Vous appelez pour qu'il y ait une surcharge d'appels, là. Appelez tout le monde, c'est gratuit, c'est pas cher. Ouais, profitez, ouais. Alors, 01 53 40 30 20, c'est compris sur le forfait. Vous nous faites péter. Ah oui, truc. C'est pas surtaxé, hein. Eh ben, Romano, je serais pas le bossu. Ouais, non, mais attends, je suis content. Non, mais je demande un dédommagement au niveau de Skyrock. Vous m'avez bousillé mon conseil pas cher. Demande ça au directeur technique, il va te payer tout ça, là. Ah, bah, c'est pas de problème, j'ai lui envoyé un mail. Oui, il a des bons tuyaux. Ah, bah, c'est bon. Bon, bah, écoute, Romano, on le refera peut-être un de ces prochains jours, alors. Ah, bah, ouais, j'aimerais que tu fasses mon fils bossu quand non, même. Non, mais tu changeras de personnage dans le bordel. 7h48 sur Skyrock. Ça vous a réveillé le son, là. Ah, oui, a priori. Il y a Damien qui s'est réveillé avec le son, Damien du 76. Pshh. Bon. Alors, à un moment, on le redémarre ou pas? Bah, j'ai essayé déjà. Ah bah, on n'est pas dans la merde ici, t'as essayé. Putain, merde. Non, mais il y a la technique qui est sur le coup. Ah là, ok. Opération, on répare le standard de Skyrock. On fonctionne la semaine prochaine. Bon, vous pouvez encore envoyer des messages, ça marche. Hein. 41759 est sur l'appli Skyrock. Dans un instant, on va parler, tiens, du loser du jour. On a même plusieurs des losers du jour. On va faire dans le sport, c'est des sportifs. Qui se sont retrouvés mal. Ah, ouais. Qui ont eu la loose, quoi. Oui, qui ont eu la loose. La loose. On aura même des photos de cul à vous proposer. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé à poil dans un endroit où nu devant quelqu'un, alors que vous n'aviez pas envie de montrer vos attributs? Non, moi, je suis déjà retrouvé l'arrêt du cul. Ouais, par exemple, ça marche aussi, ça. Ouais, parce qu'en fait, j'avais été à l'Aqua Boulevard, là, la piscine à vagues. Ouais. Et en fait, à force de faire du toboggan, mon maillot de bain, il s'est percé derrière. Et j'avais l'anus à l'air, quoi. C'est pratique pour aller faire caca. J'étais tout l'après-midi, j'avais un bout de truc qui pendait, parce que j'en avais pas d'autre, et bon, je mettais ma main. On explose. Je me cachais ma rondelle. Comme Mathieu Delormeau. Tous les matins, pareil. Exactement. Tu es le Mathieu Delormeau de Skyrock. Bah, wow. Bien avant lui. On explose tout, je vous le dis, sur Skyrock, même les standards, et dans un instant, les losers du morning. C'est juste après l'horoscope de l'amour qui arrive dans une minute, et puis le son, c'est Soprano qui arrive aussi. Madame Thierry, vous êtes diététicienne et vous souhaitez nous parler du petit déjeuner. Oui, il est vraiment essentiel de prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Et le lait Viva de Candia peut y contribuer? Tout à fait. Aujourd'hui, 60% des adolescents manquent de calcium. Or, un bol de lait Viva chaque matin apporte près de 40% de leurs besoins journaliers. Viva de Candia, c'est aussi des vitamines. Exact. C'est pourquoi Viva est un lait si complet. Viva contient de la vitamine D qui manque à près d'un Français sur deux, et 10 autres vitamines indispensables à notre organisme. Des vitamines, du calcium pour un petit déjeuner complet, on peut faire confiance à Viva de Candia. Merci Madame Terry. Merci. Viva ! Dépêchez-vous, ça commence ! Les 6 jours grandes marques chez Intermarché. Profitez de 70% en avantage carte sur le lot de 2 bidons de lessive liquide Ariel. Oui, 70% crédité sur votre carte de fidélité. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 2,99 €, conditions et magasins participants sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Allez, c'est l'horoscope de l'amour sur Skyrock à 7h51. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et enfin, un tour du côté des 12 signes et de leur puissance amoureuse dans ce morning. On va commencer par les meilleurs, les Capricornes. Ah, comme mais toi. Comme toi, dit Foul. En effet, on a 5 sur 5. Et les Vierges aussi. 5 sur 5 pour les Capricornes et les Vierges aujourd'hui. En couple, vous allez mettre le feu au désir de votre partenaire. Ça m'étonne pas, ça. Ça va être très chaud aujourd'hui pour les célibataires. Il y a plusieurs personnes qui vont vous tourner autour. Vous aurez limite l'embarras du choix aujourd'hui, les Capricornes et les Vierges. Super journée à 5 sur 5. 4 sur 5, c'est la puissance amoureuse des Cancers et des Gémeaux. Très bien, tout ça avec une très bonne nouvelle qui est possible sur le plan sentimental. Surveillez bien votre téléphone, vos réseaux sociaux et votre messagerie. On sait jamais, ça peut arriver à n'importe quel moment de la journée pour les Cancers et les Gémeaux. 3 sur 5, les Lions et les Sagittaires, vous allez prendre soin de vous. C'est une bonne méthode pour séduire les autres. Ouais, c'est bien ça. 2 sur 5, les Poissons et les Béliers, un petit besoin de changement se fera sentir aujourd'hui dans votre vie amoureuse. Prenez quand même le temps de savoir ce que vous voulez. 1 sur 5, les Verseaux et les Taureaux. Merde. N'en faites pas trop pour plaire. Oh bah ça. Non, ça va. T'en fais pas trop. Hein. Non. Restez vous-même, c'est le conseil. Oui. Qu'on vous donne, les Verseaux et les Taureaux. Et 0 sur 5, les Scorpions, les Balances. Méfiez-vous des promesses qu'on pourrait vous faire aujourd'hui. Et n'accordez pas trop votre confiance trop vite. Sinon, vous risquez d'être déçus. Voilà pour votre horoscope aujourd'hui sur Skyrock à 7h52. Dans un instant, on va découvrir des fesses. Vous aimeriez voir les fesses de quel sportif ou de quelle star ? Parce que là, on va s'occuper des sportifs ce matin. Gilo ! Gilo, sportif, très bien. Non, t'as dit star. Il est vraiment toujours aussi bête. Hein. Non, mais moi, je vous le dis. Star du sport. Ah oui. Écoute un peu. Il y a qui en meuf bonne en sport? En meuf bonne en sport, Serena Williams. Ah ouais, ouais, c'est bien. Ouais. Ouais. Ah ouais, ta merde. En plus, pour le voir son cul, tu prends le temps. Hein. Ah ouais, ouais. Il faut se mettre loin, parce que pour tout voir. Bon, dans un instant, je vous parle de deux sportifs. On s'en occupe, c'est les losers du jour. Ils n'ont pas eu de chance. 7h53, là, c'est Soprano. Soprano Baba, avec le diable s'habille, toujours en Prada. Encore un son que vous avez découvert sur Skyrock. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille d'un plus généreux. Mais l'époque a changé, l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes voeux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la bœuf. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé, l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi, oui, l'époque a changé, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses bosses. Sur le globe, depuis qu'on lui a pris son job. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer. Wow, c'est les Sopranos, le diable il s'habille plus en Prada. Désolé pour Prada, un client de moins. 7h56, le top lose, top win du jour. Eh ben, on s'occupe de losers aujourd'hui, au pluriel. Allez. Les losers du jour. Les losers du jour. Et oui, alors on vous a demandé il y a un instant, est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous retrouver cul nu ou à poil devant des gens et ça vous a gêné? Alors c'est arrivé à plein de monde à cause de l'alcool. Je vois notamment le message de Valérie sur SMS qui un jour, elle était complètement bourrée pour mes 20 ans, s'est retrouvée toute nue mais elle ne sait pas comment. Eh, il y avait peut-être un pervers dans ta soirée. Hein. Absolument, oui. Méfie-toi, bah tiens, il est avec nous. Absolument, je t'ai mis à poil. Tu fais une bise à Valérie? Je t'embrasse. Alors, non, sinon, je suis déjà mis cul nu sur un rond-point. Moi, j'ai déjà montré mon cul aussi, j'aime bien. Tiens, on se mettait à plusieurs, on se traçait les flèches sur le cul. N'importe quoi. Ça, j'ai jamais fait ça. Et quand il y a une bagnole qui arrivait, on baissait tous notre bed. Bon, c'était bon week-end. Karim, il l'a fait dans la radio libre pour nous montrer tous les poils qu'il avait sur ses fesses. Ah, moi aussi, je t'ai déjà montré mon cul, tu m'as même fessé en direct. Ouais, c'est vrai. Et c'était bon. Il s'en passe des choses sur Skyrock tous les soirs dès 21h. Aujourd'hui, on va mettre à l'honneur deux sportifs. Un qui s'appelle Dan Carter, vous le connaissez, c'est le meilleur rugbyman au monde. Bah, évidemment. Il est néo-zélandais. Il joue au Racing 92. Bon, lors de la rencontre ce week-end face à Toulon, il a fini les fesses en l'air, à l'air, et en l'air aussi parce qu'il avait le cul en l'air. Position levrette, vous voyez. Ouais, à quatre pattes un peu. Ouais, à quatre pattes. Après un plaquage. Donc j'ai la photo du cul si ça vous intéresse les filles. Moi ça m'intéresse. Et les gars aussi. Hein, je vois que dans l'équipe on se prive pas. Voilà le cul de Dan Carter. Pas mal. Ah ouais, il est vraiment à quatre pattes. Ouais. Ah, il est vraiment à quatre pattes. Le cul bien dans l'air. Il a remonté son short comme si de rien n'était et il a continué. Le Racing a battu Toulon en plus. Ah bah bien joué. Et puis sinon il y a Daniel Alves. Vous connaissez Daniel Alves? Oui, joueur de la Juve, certainement. Tu connaissais pas? C'est un joueur de la Juve. Bah si, un joueur de la Juve. Lui, il s'est fait prendre, mais alors il sait pas par qui, dans les vestiaires avant le match Inter-Juve, qui a été gagné par l'Inter. Ouais. Le match Inter-Juve dans les vestiaires, et lui aussi, le cul à l'air. Regarde, Cariole, tu peux tracer l'œil, ma chérie. Vas-y. Oh là, ça. Pas mal. Ah. Et ouais, bon, il est jaloux. Il a une grosse raie du cul. Bah oui, bah, peut-être grosse... Oui, mais il est pas mal. Et on aurait presque pu voir sa bite, mais malheureusement, la photo a été prise. C'est ça. Une demi-seconde trop tôt. Ouais. Voilà, donc des joueurs à poil, ça arrive. Mais on en voit régulièrement dans les directs de Canal. Enfin, à l'époque où ils étaient dans les vestiaires, maintenant ils y sont plus. Ils ont plus le droit d'y aller. Ils font plus rien. À l'époque, ils étaient dans les vestiaires et t'avais parfois le journaliste qui faisait son commentaire et derrière t'avais les joueurs qui étaient à poil, qui montraient leur bite et tout. En slip, ouais. Tranquille. Donc, nos amis losers du jour, Dan Carter pour les rugbyman. Comme ça, les rugbyman, vous êtes contents, on vous a pas oublié pour une fois. Et Daniel Alves, le footballeur. Deux belles fesses. Quatre, parce qu'ils en ont deux chacun. Ouais. Ah, oui. Quatre belles fesses à aller mater. Deux beaux culs. Sur les réseaux sociaux de Skyrock, sur Insta, sur Snap, c'est Skyrock FM pour nous trouver sur tous les réseaux. Ouais. C'est comme ça qu'on s'appelle. Bah oui, parce que c'est Skyrock que vous écoutez. Mmh. Avec 1 500 € à gagner dans un instant. Le standard refonctionne, c'est bon. Ah, c'est ouais, bon. C'est bon. Vous pouvez appeler pour le faire exploser encore une fois. Ça serait super. On s'occupe de tout ça, les 1 500 €, donc dans un instant. Et vos infos avec Rémi aussi. Il est déjà 7h59 sur Skyrock. W9 présente la soirée Golden Moustache spéciale parodie 2. Au programme parodie télé, musique et cinéma, redécouvrez la télé comme vous ne l'avez jamais vue, remixée par les stars du web, Julien Josselin, Adrien Méniel, McFly, Carlito et bien d'autres. Quand la TV se parodie et se moque d'elle-même avec talent et humour, c'est Golden Moustache spéciale parodie 2 ce soir à 20h55 sur W9. Léna va tester à l'aveugle des biscuits palmiers. Les palmiers Lu à 1,36€ le lot de 2 fois 100 grammes, puis les palmiers Lidl à 79 centimes le lot de 2 fois 100 grammes. Léna. J'aime. Et. J'aime. De même, j'aime. Oui. Mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur les biscuits Lu Palmito non disponibles chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Lu Palmito, 6,78€ le kilo. Palmier Lidl, 3,95€ le kilo. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Nouveau message, urgent, de Bouygues Télécom. Bah je t'écoute. En ce moment, le forfait 4GB et New 20Go ouais. est à seulement 9,99€ par mois pendant un an. Wow, 9,99€ ? Oui, mais c'est seulement jusqu'au 26 septembre. Tic, tac, tic, tac. Jusqu'au 26 septembre, profitez de la qualité 4G Bouygues Télécom avec le forfait BNU 20Go à seulement 9,99€ par mois pendant un an au lieu de 24,99€. En exclusivité sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Le

et il va s'en passer des choses. Dénonciation d'arnaque par Romano tout à l'heure dans les conseils pas chers. On aura l'invité mystère à découvrir aussi tout à l'heure dans un quart d'heure à 8h20 pour gagner vos iPhone 7 et le réveil de Star. Mais tout de suite les infos, on démarre par la météo pour aujourd'hui, Rémi. Et un temps bien couvert au moins ce matin sur une majorité du pays. Le soleil va faire de belles apparitions autour de la Méditerranée, des averses de la côte de la Manche qui vont se décaler vers le centre, l'Île-de-France et les frontières du Nord. Les températures de 10 à 18 ce matin, 15 à Paris, de 18 à 23 cet après-midi et entre 24 et 27 dans le sud-est. Et puis la qualité de l'air, c'est pas mal. Les indices compris entre 3 et 4, ça monte à 5 sur les Hauts-de-France, à Paris et à Cannes. Alors on va rigoler avec l'invité mystère parce qu'on va jouer avec lui. Préparez-vous, mais tout de suite les infos. En deux minutes, on sait tout, l'info et le sport. Une rentrée universitaire qui inquiète parents et élèves. Les facs se remplissent peu à peu et le constat est sans appel. Les universités sont bondées et il devient de plus en plus difficile de travailler dans de bonnes conditions. La rentrée cette année se fera avec 30 000 étudiants en plus et les amphithéâtres risquent d'être bien remplis. Le ministère de l'Enseignement supérieur donne une conférence de presse ce matin. Le gouvernement a augmenté le budget des universités de 100 millions d'euros. Un pyromane interpellé hier dans l'Aveyron. Il est soupçonné d'avoir allumé des incendies dans trois églises de Millau. Les dégâts sont superficiels. L'individu est en garde à vue. François Hollande à New York pour parler immigration. Les Nations Unies tentent de prendre des engagements, mais certains observateurs parlent de rendez-vous manqué. Aucun objectif chiffré n'a été adopté faute de réussite pendant les différentes négociations. Fin de la trêve en Syrie, c'est l'armée syrienne qui a annoncé la reprise des combats une heure avant l'expiration du cessez-le-feu. Les rebelles n'auraient pas respecté l'accord. Des raids aériens ont frappé le pays. 22 personnes sont mortes à l'ouest d'Alep, dont des humanitaires qui acheminaient des camions envoyés par l'ONU. On parle sport avec Paris qui veut réussir le prochain mercato et la Ligue 1 aussi. Ouais, sixième journée de Ligue 1, deux matchs à l'affiche. Lille-Toulouse à 19h et puis Paris-Dijon à 21h. On suivra tout ça ensemble dans la Radio Libre. Ce sera encore une fois sans Ben Arfa, le coach Unai Emery qui affirme qu'il n'y a aucun bras de fer avec son joueur, mais qu'il ne prend que les meilleurs. Et puis la direction du PSG qui commence à se préparer pour le mercato d'hiver. Pas question pour le club de rater de bonnes opportunités après les départs de Zlatan et de David Luiz. Des négociations sont en cours d'ores et déjà à Benfica au sujet de Victor Lindelof. Pas sûr que cela aboutisse hein, puisque le Suédois est plus que titulaire du côté du Portugal, mais on verra ce que ça donne donc en janvier pour le prochain mercato. Merci Rémi pour les infos. Prochain rendez-vous dans une demi-heure. Ouais. Il est 8h07. C'est l'heure de vous offrir 1500 euros tout de suite sur Sky. Hi, this is Rihanna. MSD dans le morning de Tifoul. Hey, what's up? This is 50 Cent. You're now listening to my homeboy, The Fool. Hey, this is Justin Timberlake. Bienvenue dans le morning de Tifoul. The morning show! 6h-9h sur Skyrock. Et ils sont tous dans le morning et vous aussi. Merci de vous réveiller avec Sky tous les matins. On salue Sofiane. On salue Diablo qui vient d'arriver. Il y a Adi qui nous dit bonjour. Bonjour Adi. Bonjour. Bonjour la Parisienne qui nous fait des gros bisous. Salut la Parisienne. Def, bonjour à tous les autres. Vous nous envoyez vos messages au 41-759 dès que vous voulez réagir à l'émission. Vous savez que l'émission, on la fait ensemble tous les matins, le morning. Ouais. Et puis parfois, nous aussi, on vous appelle. Et c'est ce qui va se passer maintenant avec 1500 euros à gagner. Ah, et puis le réveil de Star du jour. Si vous n'étiez pas là tout à l'heure, on a avec nous ce matin quelqu'un de la police, oui, un commissaire, le commissaire Gibert. Commissaire Gibert, c'est lui. Commissaire Gibert. C'est commissaire Gibert qui va passer un coup de fil dans un instant. Attention, attention, accrochez-vous. Alerte générale! Alerte générale, il débarque dans toute la France. Le commissaire Gibert de Taxi. Oui, c'est le ça. Film de Taxi. 1, 2, 3, 4. Il y avait Taxi 2 hier à la télé. On en a profité pour réveiller les Français ce matin. C'est Gibert. C'est Gibert qui débarque, mais tout de suite, c'est Skyrock qui débarque peut-être chez vous. Attention. Si ton téléphone sonne, réponds Skyrock. Skyrock. Localisation du gagnant des 1500 euros. Allez Romano, ouvre-nous l'enveloppe. L'enveloppe des 1500 euros avec de l'argent à l'intérieur. Et ce matin, c'est une grosse journée qui a démarré sur Sky. Ce mardi, porte-chance. Hein, déjà deux gagnants. Une fille et un garçon, c'est la parité, vous avez vu. À Cagnes-sur-Mer, c'est Marie qui a gagné. Et à Marquette, dans le 59, c'est Yannick qui a gagné. Et maintenant, on va où? Eh bien, nous allons en Île-de-France. Attention les franciliens, les franciliennes. Je localise le 93. Le 9-3. Pantin dans le 93. Pantoche. Véronique. Véronique. De Almeida. C'est elle qu'on appelle tout de suite. Véronique de Almeida. Almeida. Non, c'est pas plutôt portugais. Si. Ah oui. J'ai mal fait l'accent portugais? Ben là, ouais, un peu. Ah ouais? Allô? Ah, viva Portugal! Viva Portugal! Véronique? Non, c'est pas Véronique. Ou alors elle s'est fait mettre un truc. Bonjour, monsieur de Almeida. Oui. Oui, c'est la radio, monsieur de Almeida. Vous êtes le mari de Véronique, le fils de Véronique? Marie. Marie. Alors attention, le mari de Véronique, on a tiré Véronique au sort. Et on est en direct à la radio. On l'a tiré pour lui offrir 1500 euros ce matin. C'est la radioche. C'est la radioche. Et on va te demander, on va te poser une question pour gagner 1500 euros. Il faut que tu nous dises quelle est ta radio préférée, Marie de Véronique. Si t'as la bonne, tu gagnes. J'entends plein d'enfants derrière. Ça a bien bossé chez les De Almeida. Hein. Mignon. Et ton prénom, je t'ai même pas demandé, dis-nous. Stéphane. Stéphane. Alors c'est Stéphane.

on écoute. Et alors accrochez-vous ce matin parce que la star, on vous l'a présenté, il est là, il est avec nous, allô allô, tu es là. Ici Gibert. C'est Gibert, voilà, c'est le commissaire Gibert. Commissaire Gibert. Et oui, et il veut appeler... Emilien. C'est pratique, il fait tout notre travail là, ouais. C'est bien. Et ouais, tu bosses à notre place, ça fait plaisir. Voici donc le commissaire Gibert qui appelle Emilien. Fais pas ton mariole toi, sinon contrôle des papiers, tu vas te retrouver au ballon, ça va pas t'aider, hein. Oui, non mais je fais pas le mariole, allez c'est parti, on y va. Ouais, let's go. Emilien, vous êtes prêts? Ouais. J'espère qu'il est prêt aussi. Emilien et la famille, on y va. Avec le commissaire Gibert de taxi. Allô? Allô? Oui. Ici Gibert. Gibert. Gilbert, c'est qui Gilbert? Non, Gibert. Commissaire Gibert. Oui. Et moi, je suis le pape. Hein? Emilien! Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Je fais mon travail, Emilien. Qu'est-ce que tu fais là? Ton travail de quoi? Messieurs, l'heure est grave. Après avoir écumé les banques hollandaises, italiennes, belges, le gang des Mercedes vient d'entrer en France. Attention. Et alors que je m'en bats les couilles, moi? Ce sera une banque marseillaise dans les trois jours! Dis-moi, tu t'amuses jusqu'à quand, là, tu vas t'amuser? J'ai autre chose à faire, moi, d'accord? Fais pas ton mariole, toi, sinon contrôle des papiers, tu vas te retrouver au ballon, ça va pas t'aider, hein? Eh bien, viens à la maison, quand tu veux, je t'attends. Est-ce que je me suis bien fait compris? Oui, je t'attends, là. Mes fesses. Bah, dis-moi, tu vas m'emmerder longtemps, hein? Alerte générale! Attention. Bon, c'est bon. Non, c'est pas bon. Non, oh, Emilien a raccroché. Emilien, on va le rappeler. Ouais. Bah oui, quand même, ça mérite. On va repasser un petit coup de fil à Emilien. Avec le commissaire Gibert. Exactement. Parce qu'entre Marseillais, vous avez remarqué, Emilien est Marseillais. Ouais. Emilien. Monsieur Gibert. Ah, c'est le pape. Et voilà, c'était ma blague. Je suis le pape. Très à la mode. Ah. Allô? Ah. Où j'en étais? Alors écoute-moi bien, mec. Tu vas t'arrêter de m'emmerder, d'accord? Ou pas de précipitation, Emilien, hein? La gendarmerie, je viens de téléphoner à la gendarmerie et maintenant tu vas être sur écoute et tu vas te calmer. J'ai l'air de quoi maintenant? Mais quoi, tu as l'air de quoi? Donne-moi ton numéro de téléphone que je t'appelle, tu vas m'emmerder jusqu'à quand? 24 heures sur 24! Qu'est-ce que tu veux, dis-moi, tu veux quoi là? Bon, arrêtez vos conneries maintenant. Moi, j'arrête pas mes conneries, la gendarmerie est au courant maintenant, tu es sur écoute, mon collègue. Bon, enfin, réfléchissez, Emilien, ça n'a aucun sens. Dis-moi, tu vas m'emmerder longtemps, tu as bu? Il y a un début à tout, Emilien, surtout en matière de bêtises, croyez-moi. Tu qui, toi là? Commissaire Gibert. Gibert. Et je m'en bats les couilles, toi, commissaire Gilbert. Tu commences à me casser les couilles, t'as compris? Ah, vous êtes vraiment une belle bande d'abrutis. Oh, donne-moi ton numéro de téléphone, je te rappelle. Non. Hein? Tu as peur? Oui. Ouais? Alors écoute-moi. Continue à m'appeler et tu vas avoir des emmerdements, je te garantis. C'est pas drôle du tout, ça. Vous savez, il y a des fois, ça crispe, hein? Continue. Hein? Il a raccroché. Ah bah oui, il a raccroché. Mais faudrait savoir, Emilien, on arrête ou on continue? Ouais, là, on est tout perdu, là. Oui, et puis ça sert à rien d'appeler la gendarmerie, on était avec le commissaire Gibert, donc. Bah, c'est bah oui, déjà la gendarmerie. Tu étais déjà en contact avec la police, donc tu aurais pu tout lui dire. Bon, bah voilà, écoutez, hein, le réveil de star avec taxi aujourd'hui. Et le Marseillais, était super ce Marseillais. Ouais, bien. Emilien, et dans un instant, bien aussi, je vous annonce l'iPhone 7 à gagner. Ah, puis on va bien rigoler parce qu'on va jouer ensemble avec notre invité mystère. On va jouer pour le découvrir, mais jouer aussi avec lui. Vous verrez. Très bien. Je vous explique tout dans un instant sur Skyrock. Le temps d'écouter Sean Paul. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Oh, c'est She Doesn't Mind. Oh, en Skyrock version en plus. Son qu'il avait enregistré pour nous à Sky. Sean Paul sur Skyrock. Bring it back on it. Give me the thing, become a wobble lock on it. Twine it, twiggle it, set the chop on it. Two more shots, now we in a hot panic. Two girls, I'm ready for run on it. True to my word, I'm ready for run on it. Ready for dunk on it, ready for run on it. Tag team in fire truck, we bump on it. Hands up high, skyrock burn up the sky. We got the dancer crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a chance. Skyrock, she don't mind at all. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me, if it feels alright. Or just drop it low and break me up. No, she doesn't mind, she doesn't mind, she doesn't mind. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on. The climate girl, check the rhyme with me, I rhyme it. She combine it, this up for a private world. sur Skyrock. Ce sont de Sean Paul, hein, Skyrock version à 8h20. Et à 8h20, on va jouer ensemble. C'est l'heure de gagner l'iPhone 7. Pour le gagner, c'est simple. Il suffit juste de découvrir l'invité mystère qu'on va vous présenter maintenant. L'invité mystère. L'invité mystère. What? Allez, c'est pour vous, l'invité mystère. Il suffit de le découvrir. Dès que vous avez son nom, vous pouvez envoyer au message au 41759 ou sur l'appli Skyrock. Ça marche. Ouais. Vous la téléchargez, elle est gratuite. Sur le Skyrock FM, ça marche aussi. Faut être le plus rapide ou la plus rapide à donner la bonne réponse. N'oubliez pas vos numéros de téléphone. L'invité mystère. Alors, il y a une fan de l'invité mystère dans l'équipe. Hein. Ouais, ouais. Eh ouais, on en a trouvé une. Hein. Elle est là. C'est Cariole. Eh oui, c'est moi. Tu sais que tous les jours, elle regarde. Ah, je sais, ouais. L'invité mystère qui est d'ailleurs très content de faire ta connaissance. Invité mystère, je te présente Cariole. La chienne. Oh. Non mais dis donc. Il te connaît d'avant. Oh. Il sait que tu adores les animaux peut-être, mais. Mais dis donc, monsieur. Putain, j'allais dire son nom. Moi aussi, j'ai failli. Ouais, la chienne, c'est. Il y a quand même des limites, monsieur. Tu vas quand même un peu loin, même si sur Skyrock c'est libre, tout ça, un peu de respect quand même. Hein. Quoi, la chatte? Non mais pas la chatte. Mais pas la chatte non plus. Mais qu'est-ce qu'il dit lui? Bon alors c'est qui l'invité mystère qui est déchaîné ce matin? Ah ouais ouais. Vous l'avez reconnu, vous envoyez vite vos messages au 41759 ou sur l'appli Skyrock. On le retrouve tout de suite, notre invité mystère. Et on va jouer. Et oui, on va jouer à son jeu. Ah, tout à l'heure on a joué, c'est pas brillant dans l'équipe. Ah putain, on est entouré par des... Le champion de tout à l'heure, ça a quand même été Rémi qui, je crois, n'a pas donné une bonne réponse. N'importe quoi. Oui, si. On va y revenir dans un instant d'ailleurs, parce qu'on va jouer avec lui. Ouais. Préparez-vous, c'est sur Skyrock, c'est dans le morning. Et c'est pour gagner l'iPhone 7. Bonne chance à vous, il est 8h22. Nouveau message, urgent, de Bouygues Télécom. Bah, je t'écoute. En ce moment, le forfait 4GB New 20GB ouais. est à seulement 9,99€ par mois pendant un an. Wow, 9,99€ ? Oui, mais c'est seulement jusqu'au 26 septembre. Tic, tac, tic, tac. Jusqu'au 26 septembre, profitez de la qualité 4G Bouygues Télécom avec le forfait BNU 20GB à seulement 9,99€ par mois pendant un an au lieu de 24,99€. En exclusivité sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Dépêchez-vous, ça commence! Les 6 jours grande marque chez Intermarché. Profitez de 70% en avantage carte sur le lot de 2 bidons de lessive liquide Ariel. Oui, 70% crédité sur votre carte de fidélité. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 2,99€, conditions et magasins participants sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Je sais pas chez vous, mais chez nous, pendant les vacances, on a tout partagé. Même la fumée du barbecue du voisin. C'était quand même chouette. Alors à la rentrée, on continue de tout partager. Mais surtout les gigas de nos forfaits. Avec SFR Family, partagez les 40 gigas de votre forfait Power Family avec les membres de votre famille sur leur ligne Starter Mini à partir de 99 centimes par mois pendant un an, puis 5,99€ par mois. Enfin, une offre avec plus que des gigas. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre valable jusqu'au 3 octobre pour les clients box multipack avec engagement, un forfait Power Family et un Starter Mini 100 mégas. Prix sans mobile, engagement 12 mois, conditions sur sfr.fr. Leclerc. En ce moment chez Leclerc, avec les super pouvoirs d'achat, 50% de remise immédiate sur le lot de 2 packs de 38 tablettes lave-vaisselle Sun Expert Ultimate. Génial! C'est exactement ce que je me suis dit. Du 20 au 24 septembre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le lot de 2 packs de 38 tablettes lave-vaisselle Sun Expert Ultimate, variété au choix, avec 50% de réduction immédiate, est à 6,49€ après réduction. Voir modalité dans les magasins participants, produits irritants et dangereux, respectez les précautions d'emploi. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. C'était les meilleures vacances de ma vie. J'arrive sur une grande plage, superbe. Enfin non, une petite plage déserte. Et c'est là que je tombe sur cette fille. Non, je tombe sur ces deux filles. Deux brunes, magnifiques, qui sortent de l'eau. Deux jumelles, blondes, magnifiques, qui sortent de l'eau. Et on a fait la fête dans une sorte de village hippie. Un village hippie. Voilà, et après on a fait des brunchs. Il est vraiment temps de vous faire de nouveaux souvenirs. Jusqu'au 26 septembre, profitez de billets intercités à partir de 15€. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur sncf.com. SNCF. Tiens, encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. La foire au vin bat son plein chez Carrefour Market. Oui Michel, jusqu'au 2 octobre, c'est le moment de découvrir les secrets des domaines et la sélection de vins Carrefour Market. Par exemple, un vin AOC Bordeaux Grand Écuyer 2015 avec 50% de remise immédiate, soit 2,45€ la bouteille. Quel choix! Carrefour Market. Bouteille de 75 centilitres, panachage possible entre rouge et rosé. Disponible dans les drives Carrefour Market, magasin participant sur carrefourmarket.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Oh, oh, oh. Et si payer avec mon mobile me rapportait? Moi, avec Orange Cash, je peux payer avec mon téléphone. Bah moi, avec Orange Cash, en plus, j'ai plein de bons plans chez les commerçants. Et ben nickel, tu vas pouvoir m'inviter à manger, j'ai plus de batterie. T'inquiète, j'ai mon chargeur. Orange Cash, le geste mobile pour payer malin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions réservée aux abonnés Orange Mobile en France métropolitaine, détenteurs d'équipements compatibles. Compte de monnaie électronique géré par Wirecard Card Solutions Limited, autorisé par la Financial Conduct Authority sous le numéro 900-051 sous licence Visa Europe. Info sur orangecash.fr. 8h25. En direct de 6h à 9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. Et en direct à 8h25 aussi avec Thomas qui est avec nous. Bonjour Thomas. Salut à tous. Salut Thomas. Alors toi t'es où? T'es à Bordeaux et t'as 27 ans Thomas. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, présente-toi un petit peu, tu fais quoi dans la vie, tout ça? Ben, je suis cuisinier et puis là je fais mon jour de repos. Très bien, bah écoute. Ça va être... tranquille aujourd'hui. Tranquille, et je t'en profite pour appeler Skyrock ce matin. Tu as entendu ce qu'a dit notre invité mystère à Carriole? J'ai été très choqué. Hein. La chienne. Oh, il recommence. Vraiment, c'est pas bien. Arrête, ça m'excite. Non, mais c'est pas grave. C'est qui l'invité mystère, Thomas? Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann, c'est une bonne réponse. Bravo. Tu gagnes ton iPhone bravo. 7. Bien bravo. Joué. Merci à tous. Eh ben, merci à toi, beaucoup. Thomas. Bravo. Hein, bien Jean-Luc joué. Reichmann des 12 coups de midi. Exactement, de l'émission de TF1 des 12 coups de midi où il pose plein de questions à des à candidats. Des gens. Et des candidats qui répondent souvent n'importe quoi. C'est justement ce qu'on va faire ce matin. Là. Ouais. Eh bien, d'abord, on t'offre ton iPhone 7 qu'on t'envoie vite à la maison, Thomas. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. T'avais envie de te l'acheter, l'iPhone 7, ou t'attendais de le gagner sur Skyrock parce qu'il est trop cher? Ouais, il est un peu cher, alors j'espérais bien la gagner avec vous. Eh ben, tu as bien fait. Ça y est, là, il est gratuit, complètement gratuit. Il est pour toi. On va t'envoyer ça vite à la maison. Tiens, reste avec nous. On va jouer maintenant avec Jean-Luc Reichmann, direction le plateau des 12 coups de midi. Bonjour Jean-Luc. Et oui, je l'imite bien. Hein, ah, j'ai cru qu'il était là. Et moi. Non, c'était moi, Romano. Ah là, trop fort. Allez. Bonjour à tous, il est midi. Bonjour, vous imaginez. Ah, si il est 8h27. Si je vous donnais l'heure comme ça, 6h du matin. Et bonjour, il est midi. Non, il est 6h. À 8h27. Et bonjour, il est midi. Bon, on joue. Allez, on joue. Ah ouais. Il y a des champions dans l'équipe là. Bah, alors, ok, tu crois quoi? Les champions de l'équipe. Alors attention, voici une petite question. D'après le corbeau et le renard, qu'est-ce qui est large chez le corbeau? Après le corbeau et le renard, qu'est-ce qui est large chez le corbeau? Facile. Oh, j'en sais fou. Son anus. Son anus. L'anus du corbeau. Ça serait tellement poétique. La réponse du candidat. Sa queue? La queue. Non. Non. Ben non. Son bec! Mais oui! Son bec! Mais son bec! Mais oui, son bec! Il pète un plomb, là. Tu dis son bec. Jean-Luc, ça va pas du tout. Non. Allez, une autre question. Quel mammifère est le seul à voler comme un oiseau? Quel mammifère est le seul à voler comme un oiseau? Eh ben, c'est pas facile. Facile, si. Quel est le mammifère qui est seul à voler comme un oiseau? Alors, il est? Un pélican? La chauve-souris. La chauve-souris. Alors, la réponse du candidat. L'autruche. Voilà. Ah, non, elle fait des œufs. Et puis, elle vole pas, surtout, l'autruche. Non. La bonne réflexion de Rémi qui n'a rien à voir. Non, elle fait des œufs. Tous les oiseaux. La chauve-souris. Voilà. Vous avez vu, on n'est pas si con dans l'équipe, hein. Ouais. Non, mais Sam, il fait le malin, parce qu'en fait, c'est lui qui a préparé le truc. Tes réponses. Tu étais là-bas, évidemment, la chauve-souris, le mammifère. Toi, t'es disqualifié, t'as triché. Ouais. Ah, t'as plus le droit de jouer. Écoutez bien celle-ci, là. Top. Quelle invention doit-on à Louis Waterman? Alors, Karim, tu nous as proposé. C'est l'eau. L'eau Waterman. Ah ouais. Ah, l'homme eau. Ah ouais. L'homme eau. Top. Quelle invention doit-on à Louis Waterman? Bélo, c'est le. Le stylo plume. Qu'est-ce qui a répondu le candidat? L'eau. Ah bah il est aussi con que Karim. Karim, t'aurais pu lui dire que t'avais été à la télé. Eh ouais, Karim. Alors, t'as reconnu. C'est ton frère. Bah non, c'est le stylo. Le stylo plume. Ah, oui, monsieur Waterman. La marque Waterman. Ouais. Inventé le stylo plume. Bon, allez, une petite dernière, alors. Petite dernière pour la route. Juste une petite dernière. Comment s'appelle le petit morceau de bois que l'on s'enfonce parfois dans le doigt? Bon, c'est facile, ça, vous savez. Oui. Hein? Le petit morceau de bois qu'on enfonce dans le doigt. Vas-y, une proposition, attends. Bah attends, mais moi je mets pas de bois dans mes doigts. Ouais, effectivement, c'est par accident. La réponse du candidat. Une bûche. Une bûche dans le doigt. Putain, il a des sacrés doigts pour se rentrer une bûche. Non, c'est l'écharpe. Mais oui, ouais, une écharpe. Mais oui. Alors là, Jean-Luc, il est outré. Une écharpe. Non, Karim, pas une écharpe. Voilà, pas une écharpe. Non, ils sont très forts, hein, dans les 12 coups de midi. Je pense qu'on peut inscrire l'équipe aussi. Hein. Ouais, il y a du niveau. On va faire ça. Bon, bah en tout cas, très bien. On est entraîné pour les 12 coups de midi. On est en plus, beaucoup plus intelligent. On a découvert l'écharde. On a découvert Monsieur Waterman. Et puis la chauve-souris, le mammifère. Et puis il y en a un qui a découvert la vie mystère. C'est Thomas qui repart avec son iPhone 7 à la maison à Bordeaux. Bravo Thomas. Thomas, ah mais le standard a explosé. Ah non, c'est bon. Ne t'inquiète pas Thomas, si le standard fait des bruits bizarres à l'intérieur, c'est normal. C'est parce qu'il y a trop d'appels le matin. Ouais, c'est ça, beaucoup d'appels. Voilà, trop d'appels, ça explose. Il a pété tout à l'heure, si vous étiez là à 8h15, vous avez entendu. Poum, poum. Pendant les conseils pas chers, qui arrivent d'ailleurs dans un instant les conseils pas chers. Bah, j'espère que cette fois-ci j'arriverai au bout. Ah bah oui, j'espère. Conseils pas chers avec de l'argent à gagner et Drake tout de suite avec One Dance sur Skyrock. Tout de suite là maintenant. Ouais, et les infos derrière. Baby. I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Wait. Cause if you turn, cause if you turn. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Drake sur Skyrock, restez bien à l'écoute de Sky si vous aimez Drake. D'abord parce qu'on en passe plein toute la journée du Drake. Et parce qu'en plus on a bientôt une surprise pour vous. On vous dira ça très très bientôt. Drake avec One Dance à 8h33. C'est l'heure des infos et puis Romano se prépare pour ses conseils pas chers. J'espère que le standard va pas exploser. Bah j'espère. Et si vous voulez le rendre dingue, si vous voulez l'énerver pour la journée, Romano, pendant qu'il fait ses conseils pas chers, vous êtes un maximum à appeler au 01 53 40 30 20. Même si on peut pas répondre à tout le monde, c'est juste pour faire réexploser le standard comme ce matin. Non mais de toute façon le conseil pas cher tout à l'heure qui a foiré à cause de l'explosion du standard, je le referai parce que Difool t'avais un rôle exemplaire, t'étais mon fils bossu. Oui non mais l'autre il a inventé fils bossu pour gagner de l'argent. Non mais là attention, je dénonce une arnaque. Si vous avez une carte bancaire, attention, il y a des piratages, une nouvelle arnaque est en route. Ah bah tiens, on commande pratiquement tous une carte bancaire. Et je vais l'utiliser auprès des familles. Ok, donc une dénonciation d'arnaque, on va tout savoir. On aura la compile du jour aussi à retrouver avant 9h du matin. Et puis tout de suite les infos avec toi Rémi. Bah ouais. C'est parti à 8h33, on fait le point sur la météo pour aujourd'hui. Eh ben un temps encore bien couvert, enfin en tout cas ce matin, ça concerne quasiment tout le monde. Sauf si vous êtes près de la Méditerranée, là il va faire très beau. Et puis un petit peu plus tard dans la journée au sud de la Garonne et sur la façade atlantique, des averses sur les côtes de la Manche qui vont se décaler vers le centre, l'île de France et les frontières du Nord. Les températures, comme hier, elles sont comprises entre 10 et 18 ce matin, 15 en Île-de-France, de 18 à 23 cet après-midi, et entre 24 et 27 dans le Sud-Est. Et puis la qualité de l'air satisfaisante aujourd'hui, les indices compris entre 3 et 4, ça monte à 5 dans la Haute-France, à Paris et à Cannes. Et le point sur l'actu, c'est parti, l'actu et le sport. Les formations, contrôle sanitaire ou encore vidéosurveillance, les abattoirs pourraient très prochainement avoir de nouvelles contraintes après les scandales de ces derniers mois. Plusieurs vidéos ont circulé sur le net, vous les avez peut-être vues, où l'on voit des animaux être maltraités et abattus dans des conditions ignobles. Une commission d'enquête parlementaire s'est réunie et rend son rapport aujourd'hui. Les travaux ont duré 3 mois. Le mot sélection qui revient au goût du jour, c'est à lire dans le Parisien ce matin. Thierry Mandon cherche des solutions pour limiter l'engorgement des universités. 30 000 étudiants en plus se sont inscrits cette année et les facs débordent alors que les différentes rentrées se font petit à petit. Le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur estime qu'il faut sélectionner les élèves à partir du Master 1. La difficulté de l'affaire reste tout de même de ne laisser personne sur le côté. Des rendez-vous au ministère de l'Éducation sont organisés depuis plusieurs mois avec les associations étudiantes et les directions d'université. Un adolescent de 16 ans interpellé hier, il est soupçonné d'être l'un des deux individus à l'origine de la fausse alerte de prise d'otage samedi à Paris. Le jeune lycéen a été interpellé à Vitry-le-François dans la Marne. Il est en garde à vue ce matin. Manuel Valls demande de lourdes sanctions. Les deux auteurs, en tout cas si l'autre est retrouvé, il risque jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Une mauvaise soirée pour Djibril Cissé, l'ancien joueur des Bleus, s'est rendu hier à une soirée aux puces de Saint-Ouen, région parisienne. Il s'est fait braquer vers 22h à la sortie d'un restaurant. Deux hommes armés lui ont volé tous ses bijoux avant de prendre la fuite. Le montant du préjudice n'a pas été dévoilé. On parle sport maintenant, mais du vrai sport avec deux matchs ce soir en Ligue 1. Ouais, début de la 6e journée, deux matchs à l'affiche, Lille-Toulouse à 19h avant que Paris n'accueille Dijon à 21h. On suivra tout ça dans la radio libre. Ce sera pour la troisième fois sans Athem Ben Arfa. La crise semble vraiment d'actualité entre la recrue phare du Mercato et Unai Emery, le coach qui affirme qu'il n'y a aucun bras de fer mais qu'il prend les meilleurs. Et puis un petit truc qui va peut-être vous intéresser, vous savez, le Ballon d'Or, les règles changent, donc ça sera pas pour cette année, hein, ça sera pour l'année prochaine, mais en tout cas les règles changent, il n'y aura que les journalistes maintenant qui vont choisir, qui vont élire le meilleur joueur du monde, et il n'y aura plus de top 3, donc c'est fini les trois finalistes, là, c'est terminé. C'est con ça. Voilà, il n'y en aura qu'un maintenant. Ça faisait une petite étape avec du suspense, ouais, comme dans The Voice. C'est vrai, c'est ça. Demi-finale. C'est un peu les battles, quoi. Non, ouais. Mais en fait, c'est pour le 60e anniversaire de France Football, ils ont voulu faire un petit lifting. Voilà. Non, mais surtout, il n'y a plus de partenariat avec la FIFA, donc ils ont arrêté le partenariat terminé. Avec la FIFA, ils récupèrent leur ballon d'or, France Foot. Ah. Très bien, merci Rémi pour les infos. Il est 8h36, c'est l'heure de vous offrir des euros maintenant, 1500 euros à gagner. En direct de l'appart, c'est le morning de Default sur Skyrock. The morning show. Et qui a gagné 1500 euros déjà ce matin? Yannick, il y a une heure, il gagnait 1500 euros dans le 59 et c'est tombé aussi dans 06 chez Marie. Marie qu'on a réveillée ce matin. Ouais. Très belle voix au réveil, auditrice de Skyrock, super. Et très bon réveil pour elle, ouais. Et super réveil pour elle, ouais. 1500 euros, c'est peut-être ce qu'on vous propose maintenant dans cette enveloppe. Il y a un chèque de 1500 euros, on va ouvrir ça tout de suite avant de s'occuper des conseils pas chers. L'escroquerie à la carte bancaire. Et avant 9h, on parlera des dangers de l'alcool. Encore les dangers de l'alcool. Tiens, je vous poserai une petite question. On fera un petit sondage express dans un instant. Là, il est 7h37. Allez, on perd pas de temps. Avant Rihanna et Calvin Harris, 1500 euros à choper. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning show. Oui. Et voilà, l'enveloppe est ouverte. Et je vous annonce qu'on va... C'est bien parce qu'on voyage, on va partout. Hein. On va dans le 44 ce matin à Carquefou. Carquefou. Ça rappelle des souvenirs aux footballeurs et aux Marseillais, je crois. Ouais, ça, c'est vrai, qui s'était fait éliminer par Carquefou, toute petite équipe. Ouais, c'était le petit pousset de la Coupe de France, je sais plus quelle année. Carquefou. Alors on appelle Myriam Schlachter à Carquefou. Dans le 44. Et il est 8h37, j'ai dit 7h37. Faut apprendre à lire là. Ouais, c'est clair. J'ai un problème de pendule ce matin. Oui, bonjour. Allô? Bonjour, madame Schlachter. Oui. Vous êtes Myriam, vous, hein? Oui. Bonjour, Myriam. Nous, c'est la radio au téléphone. Oui. On vous appelle, on vous a tiré au sort. On a 1500 euros à vous offrir. Carquefou. J'ai tout résumé. 1500 euros à gagner, Myriam. Il faut juste nous dire quelle est ta radio préférée. Si t'as la bonne, Myriam, tu repars avec ton chèque de 1500 euros. Énergie. Et non. Et c'était Skyrock, Myriam. Alors, Carquefou. C'était en 2008, ouais. On me dit. Là, le Marseille-Carquefou. Marseille-Carquefou. Ouais. Bon, Myriam, on te donne un petit conseil. Viens te brancher sur Skyrock. Il y a plein de bons sons. Ok, pas de problème. On fait les cons, on offre 1500 euros toutes les demi-heures. D'accord, parfait, merci. On t'embrasse. Au revoir. Salut Myriam. Au revoir. Au revoir. Myriam de Carquefou qui n'a pas gagné. Par contre, je vous parlais de la voix de Marie. Elle a gagné. Écoutez, c'était à 6h30 sur Skyrock tout à l'heure. On va te poser une petite question. Je t'ai pas dit, mais on est en direct à la radio. D'accord. Et on a 1500 euros à t'offrir, Marie. Oh non, c'est pas vrai. Ah si, c'est vrai. Je suis désolé d'arriver avec une nouvelle comme ça. Hein. C'est terrible. Tu vas peut-être gagner 1500 euros si t'as la bonne réponse. On va te demander quelle est ta radio préférée, Marie. Ah bah c'est Skyrock. Et bah c'est gagné. Bravo, Marie. C'est pas vrai. Et si. Eh oui, elle a gagné. Bravo, Marie. 1500 euros à gagner. Inscrivez-vous au 720. Vous envoyez 1500 au 720 pour augmenter vos chances de gagner. C'était inscrite, Marie, en plus. Ouais, bravo. Et c'est 1500 euros. Dans la poche quand vous répondez Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Rihanna, Calvin Harris sur Skyrock. Dans un instant, c'est DJ Snake qu'on va écouter avec Justin Bieber et du Vita et du Jul aussi avant 9h du matin. Il est 8h42. Et ben, on est à l'heure des conseils pas chers sur Skyrock. Attention, alerte rouge. Oui, écoutez bien, si vous avez une carte bleue, faites gaffe, dénonciation d'arnaque ce matin. Ça peut vous arriver. Apple a vendu 1 milliard d'iPhone. Romano, lui, il a déjà carotté les gens 1 milliard de fois. C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Écoutez comme il est content dans le jingle. Ah ouais, je ris, mais. Il rit après avoir exprimé les gens. Alors, bon. C'est quoi cette histoire? C'est une histoire vraie, attention. Ouais, c'est arrivé à Rouen, mais attention, ça peut arriver partout. Partout. Il y a quelqu'un qui vous appelle au téléphone et qui vous dit oui, c'est la brigade financière, votre carte bleue a été piratée. Ouais. Et ce qu'il faudrait pour la dépirater, entre guillemets, vous allez au bureau de tabac et vous achetez des recharges pour les cartes bancaires de ses prépayés. Mmh. Et le mec donne son numéro de carte prépayée à lui et il y a une dame, elle s'est fait escroquer 750 euros. Attends, j'ai pas tout compris. Tu es dans les bureaux de tabac, ils vendent des cartes prépayées. Les cartes, ouais, bancaires. Les cartes bancaires, là, tu sais, où tu donnes pas ton nom, ton adresse, tout ça, là. D'accord. Le mec a ça chez lui. Ouais. Et en fait, il demande à la personne, ouais, pour dépirater votre carte bleue, il faut acheter des recharges. Et les recharges, il faut les mettre sur la carte de l'escroc. D'accord. Ah, vous les mettez sur. Ah, d'accord. Ouais, en gros, vous chargez son compte à lui, quoi. Bah, vous êtes bien gentil. Ouais, bah, il y a une dame, elle s'est fait baiser quand même 750 balles. Elle est bien con. Elle a acheté 5 coupons de recharge, elle. Et le mec, lui, elle l'appelait. Oui, alors, c'est quoi le numéro aujourd'hui? Non, mais c'est ça. Et le mec, en fait, ce qu'il faisait, c'était du harcèlement téléphonique. Il était là, oui, il faut bien penser à y aller, madame. Allez-y tout de suite. Allez. Bon, ce matin, je fais partie de la brigade financière. Moi, je vais faire beaucoup plus simple. Votre carte bancaire a été piratée. Il faudrait que vous me donniez le numéro pour que je la rentre dans le fichier. Si t'arrives à avoir le numéro de la carte, Romano, là, je te paye... Ah, tu payes? Tu payes combien? Je te paye un café. Ah ouais, t'es... Oh, alors là, ça donne grave envie de réussir. Un café, même deux, allez. Ah, oh, je suis... un gobain ouf. Allez, deux doubles. Hop. Envoyez des numéros, là. C'est parti. Allez, on va chez Jean-François. Alors, bonne chance pour avoir le numéro. S'il te la donne, c'est... Je suis la brigade financière, service des cartes bancaires. D'accord. C'est bien noté. Ouais. Brigade financière, service carte bancaire. Hello. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapince de la brigade financière, section carte bancaire. Oui. Oui, je vous appelais. A priori, votre carte bleue aurait été piratée. Allô? Laquelle? Ah ben la carte bleue. Au nom de Jean-François. Et elle aurait été piratée par qui? Ah bah ça justement, c'est bien ça le problème, on sait pas trop, ça viendrait d'étrangers, il y en a pour 450 euros monsieur. Ah bon? Oui, donc alors ce qu'il faudrait faire, c'est me donner le numéro de la carte. Ah non. Non, je marche pas là. Ah bah si, Non, je te donne, non. Non mais, non. Ah monsieur, c'est la brigade financière, je vous montre ma carte. Oui, bien sûr. Regardez, oui. Ah bah, brigade financière, c'est sur carte bancaire. Non, t'auras pas mon numéro de carte. Bon, je ne vous permets pas de me tutoyer, monsieur. Ben, moi si, je te tutoie, parce que je suis un ancien gendarme, alors... Ah, donc on peut dire que les collègues, on fait partie de la même maison. Exactement. Ah ouais. Non, mais je te donnerai pas mon numéro. Allez, je viens prendre un petit Ricard à la maison, je prends la carte bancaire, on n'en parle plus. Oui, deux fois. Bah attends, quand tu es un gendarme, j'imagine que tu es alcoolique. Ben alors, t'es où, là? Parce qu'avec tous les mecs qui rigolent autour de toi, je me sens que c'est une grosse connerie. Ah non, c'est la brigade financière. On est bourrés. Il est 9h moins le quart, l'heure du Ricard. Hein. Attends. Donc, je vais venir te voir, mon Jean-François. Ouais. Étant donné que tu fais partie de la maison. Oui, jamais t'habites où? Dans mon cul. Petite blague de gendarmerie, bite dans mon cul. Drôle, rigolo, humour. Bon, je viens chez toi avec la petite bouteille de Ricard qui va bien. Non, pas de Ricard, je bois pas d'alcool. Attends, t'as été gendarme, c'est pas possible. Mais oui, mais je bois plus d'alcool. Non, mais ils t'ont foutu dehors. Tu bois plus d'alcool, depuis que t'es à la retraite. Allez, au revoir, salut. Non, mais je viens, Jean-François. Non, tu viens pas. Ah, voilà, si, je viens, il faut donner la carte bleue. Va te revoir. Oula, elle a été piratée. Oh, qu'elle est piratée, il y a des pirates. Il y a le capitaine Crochet qui est sur la carte. Il l'a attrapé avec son crochet, là. T'en veux un autre? Allez, vas-y, envoie un deuxième. Allez, c'est parti. Mais t'as pas de chance, t'es tombé sur un ancien gendarme. Ah ouais. Lui, c'est espèce croquée. Faites gaffe quand même, les gars. Voilà. Faites gaffe si vous avez une carte bancaire. Non, mais faites gaffe surtout de m'appeler des flics. C'était ça que tu disais. C'était ça. Jacques. Allô? Oui, bonjour, madame. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapince, je travaille pour la brigade financière, service carte bancaire. Bien. Oui, je vous appelais, dites-moi, vous êtes bien détentrice d'une carte bleue. Oui. Oui, a priori, il y a eu un piratage, madame, sur votre carte bancaire. C'est pour ça que je me permets de vous appeler ce matin. Ouais, ben je vais regarder ça. Ah ben regardez ça. Tout à l'heure. Par contre, il faudrait me donner votre numéro de carte. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, au revoir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh bien, bravo. Eh ben voilà, tu as le numéro de la dame. Ouais, il est super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bien, tu t'en souviens facilement. C'est facile à retenir. C'est pas mal. Elle est très gentille. Elle est gentille. Bon, bah faites attention en tout cas. Écoutez bien les conseils pas chers tous les matins. On vous prévient si vous risquez de vous faire escroquer. Dans un instant, la compile du jour. Alors, la compile du jour, on va parler alcool. Est-ce que vous avez déjà perdu? Je dis oui. Ah, t'as déjà perdu un truc en étant bourré, Cariole? Oui. Dites-nous, racontez-nous, qu'est-ce que vous avez perdu en étant bourré? Racontez-nous comment. C'est au 41-759 sur l'appli Skyrock. Et dans un instant, la compile du jour, c'est sur Skyrock, la compile du morning. Et votre horoscope aussi, il arrive dans une minute sur Sky. Nouveau message, urgent, de Bouygues Télécom. Bah, je t'écoute. En ce moment, le forfait 4GB New 20Go est à seulement 9,99€ par mois pendant un an. Waouh, 9,99€? Oui, mais c'est seulement jusqu'au 26 septembre. Tic, tac, tic, tac. Jusqu'au 26 septembre, profitez de la qualité 4G Bouygues Télécom avec le forfait BNU 20Go à seulement 9,99€ par mois pendant un an au lieu de 24,99€. En exclusivité sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Le mois Carrefour. Oh Franck, t'as vu? Pendant le mois Carrefour, les promos incroyables continuent. Je sais, et aujourd'hui par exemple, pour l'achat d'une bouteille de Scotch Whisky Sir Edwards, on bénéficie de 80% de son prix en bon d'achat. Ah bah une offre comme ça, ça ne se refuse pas. Avec le mois Carrefour, vivez une expérience incroyable. Jusqu'à vendredi, retrouvez chaque jour des produits de marque avec 80% de leur prix offert en bon d'achat. Bouteille d'un litre dans la limite des stocks disponibles. Produits concernés et modalités sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. Eh ben voilà, on reparle d'alcool dans un instant sur Skyrock. Qu'est-ce que vous avez perdu en étant bourré? J'ai perdu ma paire de lunettes et mon chien, mon téléphone, ma copine pour Zigoto, le pauvre. Allez, on mate tout ça et avant ça, l'horoscope. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope de ce mardi 20 septembre. Voici les 12 signes et les puissances amoureuses de chacun des 12 signes. On va commencer par le zéro du jour. C'est pour les scorpions et les balances. Méfiez-vous des promesses qu'on pourrait vous faire aujourd'hui et attention à ne pas accorder votre confiance trop vite, sinon vous risquez d'être déçu. 1 sur 5, les Verseaux et les Taureaux. N'en faites pas trop pour plaire, restez plutôt vous-même et attendez que ça vienne. 2 sur 5, les Béliers et les Poissons. Vous avez besoin d'un grand changement, un changement peut-être qui se fait, un air de changement qui se fait sentir. Ouais. Prenez quand même le temps de savoir ce que vous voulez. Béliers, Poissons, 2. 3 sur 5, les Lions et les Sagittaires. Vous prenez soin de vous aujourd'hui. Très bonne méthode pour séduire les autres. 4 sur 5, les Cancers, les Gémeaux, c'est très bien. Parce que vous aurez une très bonne nouvelle. Sur le plan sentimental aujourd'hui, surveillez bien votre téléphone, votre messagerie, vos réseaux sociaux. Les Cancers, les Gémeaux, vous avez 4 et les meilleurs à 5 sur 5. Les Capricornes. Mais comme toi. En effet, et les Vierges, on a 5 aujourd'hui. Célibataire, plusieurs personnes vont vous tourner autour. Vous aurez peut-être même l'embarras du choix. Et pour les couples, vous allez mettre le feu au désir de votre partenaire. Ça va être chaud bouillon aujourd'hui pour les Capricornes et les Vierges. 5 sur 5, bien joué. Allez, 8h50, la compile du morning arrive. Après, DJ Snake. Ah, puis l'abonnement à 10h aussi qu'on va vous filer là. 10h Premium Plus. Ouais, on vous offre le gros gros abonnement, c'est à gagner dans un instant. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah. Justin Bieber et DJ Snake, Let Me Love You sur Skyrock à 8h53. Et on est en train de mater les messages que vous nous avez envoyés là sur ce que vous avez perdu en étant bourré. Moi, je ne bois pas, je fais du sport, je vous l'ai déjà dit. Un athlète. Donc, je n'ai jamais rien perdu. Non, en étant bourré, je réfléchissais, j'ai jamais rien perdu. Si fais toujours attention. Si l'équilibre. Hein ouais, c'est vrai, ça peut jouer, ouais. Parfois, un peu perdu l'équilibre. Toi, Cariole, t'as dû perdre un paquet de trucs en étant bourré. Oui, j'ai déjà perdu 100 balles, 100 euros dans un taxi. Ah ouais, quand même. Et un vanity avec plein de maquillage, je n'avais pour 500 francs à l'époque. Je sais, oh bah c'est vieux alors. Ouais, c'est vieux. Ah, ça va. Cariole se bourrait la gueule quand elle avait 12 ans. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Après, là, c'est en plus, c'est vrai. J'ai arrêté, ouais. Romano, t'as perdu des trucs en étant bourré? Non, moi, je crois toujours que j'ai perdu un truc, en particulier ma carte bleue. Non, mais ça, c'est parce que t'es paranoïaque. En fait, elle est dans ma poche. Oui, t'es mais genre, je bloque, je me bousille à bout de la soirée pour chercher ma carte bleue qui est dans ma poche. Non, sinon, j'ai déjà perdu. Non, je me souviens plus. Ce que tu fais la prochaine fois, tu me la confies. J'ai perdu la mémoire. Ouais, aussi. Ouais, c'est ça. Quand t'es bourré, ça arrive souvent. Vous avez perdu des téléphones. Il y en a plein qui ont perdu leur téléphone en étant bourré. Les clés de voiture en boîte, ça, c'est galère. Surtout si la boîte est loin de chez toi. C'est l'inconnu qui nous envoie ça. Le puits d'Aumois, lui, il a perdu. Oh là là, catastrophe. Sa façade d'autoradio, tu sais que ça pourrait me rendre dingue, moi, ça. Ah, puis c'est relou, ça coûte cher, en plus. Bah oui, et puis il faut racheter l'autoradio, en fait. Bah ouais, je sais pas s'ils vendent des façades. Si, juste. Tu peux les si, les que voir. La façade, ouais. Jamais retrouvé sa façade d'autoradio. Oh, Roméon, lui, du Pas-de-Calais, il a perdu sa femme. Ah, merde. Ouais, j'ai perdu ma virginité, encore pire. Sébounette, bonjour Sébounette du Calvados. Des filles perdent beaucoup leur virginité quand elles sont bourrées, c'est vrai. On a déjà remarqué ça. Hein. Ticket de vestiaire. Qui a été ramassé, on est parti avec toutes mes affaires, sac, papier. Ah ouais, donc tu as laissé tomber ton ticket de vestiaire, il y en a un qui a récupéré le truc. Vérifie si Romano était pas dans la boîte. Jujute qui nous envoie le message. Ouais, mais ça arrive. Ou alors tu perds ton ticket de vestiaire et la meuf ou le mec au vestiaire te dit bah il faut attendre que tout le monde soit parti. C'est et là t'attends jusqu'à 7h du matin que le dernier poivreau soit barré de la boîte. Et ouais, mais si quelqu'un te l'a pris et est parti avec tes affaires, t'es baisé. Ah bah ouais, là t'es baisé, ouais. Ah là, ouais. C'est ce qui est arrivé, ouais. J'ai perdu l'équilibre et ma dignité par la même occasion pour Señorita. Bisous ma Señorita. La virginité pour Nico. Un paquet de virginité, c'est même ce que vous avez le plus perdu. Et en étant viré, moi j'ai perdu mon permis. Ça arrive aussi. Et ouais. Bien voici pour fêter l'arrivée, le démarrage de la fête de la bière. Ah oui, c'est à Munich. Vous savez, c'est la fête où Franck Ribéry, d'ailleurs, faut la mettre, la photo de Franck Ribéry en short, elle est super. Non, pas en short, en jupe. Alors moi, je l'ai en short avec des chaussettes hautes. Ah oui, en bavarois, ouais. qui remonte jusqu'aux genoux. On vous la met sur les réseaux sociaux de Skyrock. Si vous voulez rigoler avec des potes, allez mater. Ah non, mais il y en a des mieux que ça, où il est carrément habillé en bavarois. On va tout vous les mettre. Mais le truc, parce qu'en fait, ça fait partie, on en avait parlé dans la radio libre, ça fait partie de leur contrat en Allemagne. Mmh. Ouais. Ils sont obligés d'aller à la fête de la bière déguisé avec l'habit traditionnel. Tiens, heureusement qu'ils sont bien payés, hein, parce que c'est quand même la honte. Hein. Ouais, non, mais bon, avec Cigagne, moi, je vais bien le faire. Hein. Tu peux même arriver habillé en bavarois tous les jours. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Alors, la fête de la bière, voici la compile des objets chelous perdus pendant la fête de la bière. La compile du morning de Default sur Skyrock. Alors. Ouais, c'est vrai, c'est l'Octoberfest, ouais. L'Octoberfest. Bah, on est en septembre. Ouais, mais bon, c'est comme ça que ouais, ça s'appelle. Bien vu, bien vu. Alors, à la fête de la bière, tous les ans à Munich, ils retrouvent 650, c'est l'année dernière, je prends les chiffres de l'année dernière, 650 vêtements. Ah ouais. Qui ont été perdus, 600 cartes d'identité, 500 clés, les clés sont beaucoup perdues, des portefeuilles, 400, des ouais. Portables, 400, tout ça en une fête de la bière, hein. et des bagues. Ah, c'est non, mais de toute façon, le truc, c'est une beuverie. Donc, c'est énorme. Oui, parce que les gens sont tous complètement bourrés. Ah, mais puis, ouais, là-bas, ils prennent pas d'ennemis. Hein, c'est 1,5 litre, quoi. Alors, voici la compile du jour. Numéro 3. Numéro 3, les objets chelous retrouvés et perdus à la fête de la bière, les deux. Eh bien, en numéro 3, on a une chaise roulante. Ah ouais, hein, merde. Le mec était tellement bourré qu'à un moment, il s'est levé. Il a marché. Une bonne nouvelle, et il a laissé sa chaise roulante. Bah bon, c'est que le mec a réussi à rentrer, hein, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il s'est pointé aux objets perdus, objets trouvés. Oui, alors, excusez-moi, j'ai perdu ma chaise roulante. C'est ça, le mec, il devait en tenir une bonne, quoi. Ah, il devait être bien bourré. Numéro 2. Numéro 2, un godemichet. C'est une dame qui est allée chercher donc au bureau des objets trouvés. Un godemichet en espèce. Ah, je voudrais mon godemichet. En expliquant qu'il était tombé pendant qu'elle était en train de danser. Il est tombé dans mon trou. L'hôtel a perdu son god Michel. Comme ça, il est tombé. Ah ouais. Donc ça, c'était le god numéro 2. Et numéro 1. Numéro 1. Et il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, mais il y a trois dentiers.

on est les mêmes en vrai. Je regarde trop la télé, on a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, font plein de sales idées, font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué, font plein de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. J'traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans de sales affaires. Nous, on marche à la parole. Je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange. Je sais qui passe sur mon dos. Nous, on marche à la parole. Je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange. Je sais qui passe sur mon dos. On en a rien à foutre. J'crois qu'ils m'ont pris pour un autre. J'peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. On tient nos promesses de parole. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Où on va d'où on vient? Où on va d'où on vient? Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés. Dans de sales affaires. Nous, on marche à la parole. Je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange. Je sais qui passe sur mon dos. Nous, on marche à la parole. Marche à la parole. Nous marche à la parole. Nous marche à la parole. On en a rien à foutre. Direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et ouais, le morning qui vous réveille tous les matins dès 6h, qui nous réveille aussi tous les matins dès 6h. Bon, bien réveillé ce matin, on a encore passé une bonne matinée, c'est pas fini, dans la ligne droite du morning. Ouais. On a offert plein de téléphones, des iPhone 7, on a offert la PS4, la nouvelle, la PS4 Slim. On vous a offert 1 500 €, c'est tombé deux fois ce matin. Et là, on a Nicolas en direct avec nous, en direct de Roubaix. Salut Nico. Salut, salut. Salut, salut. Salut, Nico. 20 ans, roubaisien, donc nordiste. Tiens, on a offert 1 500 € dans le 5-9 ce matin. Ouais. Je sais pas si t'as entendu. À Marquette. Si, ouais. Si, ouais. On est à Marquette chez Yannick. Il a répondu. Skyrock. Il a gagné. Bon, bah, on vous gâte les nordistes aujourd'hui. Ouais, ça va. Bah, pas mal. Ouais, ça va. Oh, oui. On y va pour l'abonnement à 10h à gagner. C'est à choper toute la journée sur Skyrock. On vous offre votre son 10h. C'est parti. Skyrock offre ton abonnement premium plus d'un an. Skyrock à 10h. Attention, c'est parti. On lance ta roulette, Nicolas. Attention, on va la lancer là. Tu fais quoi dans la vie à 20 ans, Nico, toi? Je travaille dans un garage. Très bien, t'es garagiste. Bien joué, dis. Ça t'arrive des escroquer des gens? Non, c'est pas du tout. Tu vois, Romano, tu nuis à mon image. On croit que moi aussi je suis un escroc. Non, mais bien, des fois il y a bien un truc, tu crées des pannes, quoi, non? Non. Oh. On va t'envoyer en stage chez Romano, ouais. Tu vas voir. Il va t'expliquer comment gagner plein d'argent. Ça va pas du tout, ça. Alors, ça tourne. Enfin, t'arrêtes la roulette là pour gagner. Quand tu veux. Stop. T'es déjà au garage là, toi? Salut les collègues derrière. Et on t'annonce que tu as gagné ton abonnement 10h. Un an d'abonnement 10h Premium Plus. Donc t'as tout 10h pour toi. Et t'as également Skyrock sur 10h qui a débarqué là. Ouais. Donc tu pourras aussi nous écouter sur 10h. On peut nous écouter partout. Bravo Nicolas, félicitations. Merci. Salut, merci. Salut à tout le garage. On salue les potes garagistes. Ouais. Tu leur diras que t'es passé sur Sky ce matin. Ça marche. Salut les gars, salut Roubaix. Ciao. Salut à toi. Ciao. Et à 9h07, le zap. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? C'est parti. Ça s'est passé ce matin. C'est le zap du morning sur Skyrock. On a constaté que vous regardiez illégalement Bein Sport sur internet. Non. Ah bah madame, vous ne payez pas l'abonnement, vous ne pouvez pas nier. Non mais c'est quoi ce trafic? Ah bah c'est quoi ça madame? Ah bah madame, quand on veut regarder Bein Sport, il faut payer 11 € par mois. Non mais c'est n'importe quoi là. Parce que moi ce que je vous propose, c'est que je viens chez vous là d'ici 10 minutes. Mmh. Je prends le petit café avec vous, je vous explique la situation, vous me donnez 200 €, on n'en parle plus. Non mais n'importe quoi, je m'en fous, j'ai un chien, il va vous bouffer. Selon l'expression, quand on va se faire une toile, c'est que l'on va au... Alors aux toilettes? Non, pas les toilettes. Ah non, c'est le musée. Et le c'est le musée. Mais non, on va se faire une toile. Mais non, c'est un cinéma. C'est un cinéma. C'est un musée. Non, mais aller se faire une toile, c'est, tu sais, une toile de cinéma, l'écran. Ah, non, pour moi, c'est le musée. Bah, avec des peintures. Bah, c'est pas notre faute si t'es con comme une bite. Hein. Taxi 2 et l'inspecteur, comment s'appelle-t-il? Gibert. Ah non, le commissaire, pardon. Commissaire Gibert. Allez, commissaire Gibert qui réveille les familles de France. Ici Gibert. Vous voulez parler à qui, monsieur? Emilien! Bah oui, c'est qui, vous êtes qui, monsieur Gibert? Je vous connais pas, moi. Commissaire Gibert. Ouais, mais je sais pas qui vous êtes, donc vous allez pas me gâcher, me faire chier longtemps. Quelle belle langue vous avez, hein. Ouais, t'as une belle langue, toi t'as une belle tête, ouais. Je mangerai un âne. Un âne? Manger un âne? Mais mange une autruche. On attend un grand coup, faut te faire enculer, comme ça la bite elle sera plus longue, elle passera mieux dans ta gorge, gros con. Ouais, pas mal celle-là, hein. Si vous en avez encore plein d'autres, mais il faut insister un peu plus longtemps. Les trucs stricts que vous étiez obligé de faire quand vous étiez petit. Alors, qu'est-ce que vous nous avez laissé? Ma mère m'interdisait de mettre le pain à l'envers pour Sabrina. Ah ouais, mais ça, ça marche pas non plus. Bah, vous êtes complètement taré. Il y avait aussi le pain à l'envers. Le pain, vient de le dire. Ouais, mais on vient de le dire. Ah. C'est qu'en plus d'être con, il a Alzheimer. Oui, on est en direct à la radio, Yannick. Oui, donc. Comment ça va-t-il, ma biloute? Ça va et vous? Ah, ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Toi, tu vas aller peut-être super bien dans un instant parce qu'on t'appelle pour t'offrir 1500 euros, Yannick. Ah, c'est bon, ça. On va te demander quelle est ta radio préférée. Si t'as la bonne, tu gagnes 1500 euros, Yannick. Donc, je vais dire Skyrock. Et tu dis bien, Yannick, tu viens de gagner 1500 euros, Yannick. Bravo. Bravo. On va te poser une petite question. Je t'ai pas dit, mais on est en direct à la radio. D'accord. Et on a 1500 euros à t'offrir, Marie. Ah non, c'est vrai. Ah si, si, c'est vrai. Je suis désolé d'arriver avec une nouvelle comme ça. Hein. C'est terrible. Tu vas peut-être gagner 1500 euros si t'as la bonne réponse. On va te demander quelle est ta radio préférée, Marie. Ah bah c'est Skyrock. Et bah c'est gagné. Bravo, Marie. Bravo. C'est pas vrai. Et si. Eh oui, 1500 euros. Bravo, Marie. Félicitations. Vous voulez augmenter vos chances de gagner? J'y pense parce que Marie, elle s'est inscrite au 7-20-20. Ouais. Vous elle envoyez... a bien fait. Eh ben, elle a bien fait, ouais. Vous envoyez 1500 au 7-20-20 et vous gagnez vos 1500 euros quand on vous appelle. On parle radio, téléphone, c'est Skyrock. Et c'est 1500 euros dans la poche. Ouais. Il est 9h10. Eh ben, on est pile à l'heure. C'est marrant parce qu'on a été en retard toute la matinée. Mais pour Fred, on lui laisse l'antenne à l'heure parce que. C'est de l'éducation. Évidemment. Et du professionnalisme. Professionnalisme, c'est ça. Bonjour Fredo. Incroyable. Incroyable. Ça va? Le professionnalisme met Fredo sur le cul ce matin. Jusqu'au bout des orteils. Ça va Fred? Ça va? En forme? Nous aussi, ça va. On a passé une bonne matinée. On a fait plein d'heureux. On s'est bien marré. Et demain, je vous le dis, on va recommencer dès 6h en direct sur Skyrock pour le morning. Venez vous réveiller avec nous. La France entière se réveille avec Skyrock. Et il y a même Fred de Planète Rap qui Je suis là, je suis prêt. Ouais. Et un gros Planète Rap, puisqu'on en parle. Gros Planète Rap cette semaine parce qu'on découvre de la nouveauté, c'est nouveau. Exact, c'est un collectif de rappeurs parisiens et de la région parisienne, il s'appelle Panama Bende. Ouais, le Panama Bende ce soir dans Planète Rap entre 20 et 21. Ils sont pleins. Ils sont 7. Ils sont marrants et ils font des trucs bien. Vous écoutez, vous nous direz. À partir de 20h, c'est Planète Rap. Dès 21h, c'est la radio libre. Ouais. On prendra des nouvelles de Cédric, notre fracturé de la clavicule. Ouais. Vous avez été lui rendre une petite visite, j'ai vu ça. Oui, j'y suis allé ce week-end avec Karim. Ah ouais, c'était dur. Quoi. Alors c'est pas beau à voir, hein. Je parle pas de Cédric, je parle de son appartement. Oh le bordel. Ah ouais, non mais il faut les filles, les gars. Ben, je vous l'avais dit moi. Ça. Si vous êtes un peu toqué de la propreté, n'allez pas voir Cédric. Ah. Romano l'avait dit et je peux témoigner, tu n'as pas menti une fois de plus. Un véritable boui-boui. Ah. Non mais il y a des trucs partout. Un bordel sans nom. Terrible. Ah ouais, du lâche sale qui traîne. Des restes de bouffe. S'il écoute, ça doit le mettre en pleine forme. Cédric, on pense à toi, on te salue. Hein. Et puis à 21h, on essaiera de le retrouver ce soir avec toute l'équipe. Radio Libre, 21h minuit. Une belle journée. Ouais. Sur Skyrock, la première radio urbaine mondiale. C'est nous et c'est Fred qui s'en occupe maintenant. C'est parti, coup d'envoi. On prend bien soin de Sky ce matin. Hein. Et je vais essayer, hein, comme d'hab. Merci Fredo, à demain. Ciao, à demain. Et à tout à l'heure. Ouais. Et ouais, pour la radio libre. Ciao. Ciao, c'est parti pour le son de Skyrock. Bonne matinée à 9h11. Rap R&B en non-stop sur Skyrock. Un petit coup de chanson du Panda avec Designer tout de suite. Et puis tout à l'heure aussi, on fera encore tourner la roulette. Restez bien à l'écoute de Skyrock. Bon mardi à vous tous. Bang. I got broads in Atlanta. She took the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacies, family. Wait and see, panda. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Been on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. In the bullet, you banned it. Killers understand it. I got broads in Atlanta. Twisted the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy, family. Way see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Way see, family. Packers full, Danny. Selling ball, candy. May not the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then they pull up your band. Hope you killers understand it. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda.

les arrières. Nous avons d'où l'ami, vient l'ennemi, l'ennemi, vient l'ami. On n'est pas dans la merde. On est dans sa folie, folie, folie, folie, folie. Toute la nuit j'esquivais les ennuis. Toute la nuit j'esquivais les ennuis. Alors ma jolie, on a le cœur démoli. On est dans sa folie, folie, folie, folie, folie. Toute la nuit j'ai rôdé dans Paris avec Bédic, Dadju et Darcy. Hey. Nice. Drinking no phone and I'm shooting dice. Wrist pull up, bad climbing.